Star présente l'émission à la maison. Jusqu'à 23h, sujets, débats, jeux et encore beaucoup plus. On passe la soirée ensemble sur Indestar. Et on vous remercie d'être là sur Indestar ce soir. www.indestar.fr, toutes les applications mobiles en ligne, les annuaires, pour suivre cette émission à la maison, comme chaque lundi et comme chaque vendredi à partir de 21h. Vous êtes là au taquet et nous aussi. Teddy qui est en studio, il y a Audrey ce soir, et puis il y a plein de monde, mais qui ne sont pas encore là ou qui n'arrivent pas à faire fonctionner, parce qu'on rappelle qu'on est chacun chez nous, donc on fait fonctionner un serveur Discord. Ce soir, le serveur Discord est discordant. Donc, du coup, c'est la Discord dans l'équipe. Il y a de la Discord dans l'équipe, ouais. En termes techniques, bien évidemment. Sinon, tout le monde s'entend bien, n'est-ce pas? Oui. Audrey, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Je suis avec un petit chat sur les genoux. Ouais. Et prête à vous inviter dans un voyage à Nantes, qui est l'une de mes ciudades préférées. Et en plus, pour les vacances, c'est encore mieux. Bon, alors évidemment, ça sera un road trip avant ou après Covid, enfin pendant qu'il y avait de la vie, quoi. Sauf si vous habitez près de Nantes et à ce moment-là, vous pouvez passer votre week-end. Ouais, mais je conseille des restos et tout, donc voilà. Les restaurants, ça va être un petit peu compliqué, mais c'est ça qu'on avait envie de vous faire ce soir, c'est de vous faire un petit peu voyager ou transporter dans le monde d'avant qui sera le monde d'après, mais voilà, vous faire rêver un petit peu parce qu'on est quand même dans une période et ça dure depuis un peu trop longtemps où on se restreint surtout et on avait envie un peu de s'évader. Donc on s'évadera avec un week-end à Nantes avec toi Audrey tout à l'heure. Teddy, ça sera avec des pâtisseries. Ouais, des pâtisseries viennoiseries, des spécialités régionales françaises, made in France. Je vais vous en faire découvrir quelques-unes et pas forcément découvrir parce qu'il y en a certaines que vous connaissez, genre par exemple le Queen Amam. Hein. Petit spoiler, on parlera un peu du Queen Amam. Mais les petites pâtisseries qui peuvent être intéressantes à goûter, en fait, si on va dans telle région de France, ainsi de suite. Mmh. Et puis, c'est surtout dit par un spécialiste, n'est-ce pas, Teddy? C'est pas faux. Point de vue analytique, d'expert. Formation et le métier. Ouais. Et oui, lance ton petit jingle. Petit jingle? Tout de suite maintenant? Allez, vas-y. Petit jingle. Boulanger. Jingle Teddy. Boulangerie, pâtisserie, petit gâteau à tout moment du temps. Le jingle qui dure 15 minutes. Mais c'est une chanson d'Ultra Vomit, c'est pour ça. Évidemment. Ultra Vomit. Tous les boulangers de France. Ultra Vomit qui est à recommander 1000 milliards de fois. Allez voir en concert quand tu auras des concerts MDR. Et si vous voulez quelques chansons, choisissez au random. Je collectionne les canards vivants et Evier Metal. C'est tout pour moi. Pour la petite anecdote, pour la petite anecdote, cette musique, c'est Mickaël d'Enrôler dans la folie qui me l'a fait découvrir parce que la boulangerie, lui, ça a fait penser à ça. Et moi, je connaissais pas. Et c'était génial. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit. Plus le côté vomi et toi, plus le côté boulangerie de la maison, quoi. Enfin, une chanson qui parle de boulangerie, qui est classe. C'est vrai. C'est la seule chanson qui parle de la boulangerie. Ça doit pas être la seule, non, mais il y en a. Ça doit être très. Alors comment on dit? Non, peut-être pas chauvin, mais non, ça doit pas être le bon terme. Ça, mais très. Tu veux dire très terroir français, ouais. Très genre, je sais pas Claude François. Non, c'est pas français. Ça. Si, c'est français. Je sais pas. C'est un peu beaucoup français. Genre comme je fais des petits trous. Tu vois, ça doit être du même style que ça, quoi. Français, dégueu. Ok, d'accord. Donc là, c'est une chanson rock and roll. Ouais. Bah plus que ça, ouais. Metal. Exactement, metal, ouais. Donc tu vas parler évidemment de boulangerie tout à l'heure. On est hyper bête. Qu'est-ce qui nous fait parler boulangerie quand on parle chanson française? Tous les matins, elle achetait son petit pain au chocolat. Je la connais pas. Laisse-la chanter toute seule, Teddy. Ouais. Parce que ça l'amuse beaucoup. Après, il y a la baisse des boulangers, mais ça, c'est un peu plus... Et bon, il y en a quelques-unes. Il y a Yves Montand qui a fait une chanson qui s'appelle La fille du boulanger. Je ne connais pas. Ah, et après, il a été sur sa bicyclette. Avant. Les vendeurs de vélo et puis. C'est peut-être après. Bah non, parce que Paulette, dans la bicyclette, Paulette, elle est la fille du facteur. Oui. Oh. En fait, il a décidé de faire tous les métiers de France. C'est ça. Coureur de jupons, ah bah d'accord. Ah, ça, mais ça, je l'ai fait comme métier, mais c'est... Oh, non, c'est pas un métier, c'était dit coureur de jupons. Bon, donc, vous l'avez compris, bon, on a fait un tour de France aujourd'hui, enfin ce soir, un tour de France pour vous faire visiter quelques coins. Alors moi, c'est des endroits, je vous ai réservé trois régions un peu sous-cotées, tu vois, des endroits de France qu'il faut visiter parce que c'est chouette. Genre la Creuse. Par exemple. Ah, c'était pas une blague, merde. La Creuse est un très bel endroit à visiter pendant les vacances. Mais est-ce qu'il y a des choses à visiter en Creuse? C'est ça la question. Bien sûr qu'il y a des choses à visiter dans la Creuse et vous allez devoir patienter pour ça parce que je passe pas tout de suite. Et puis il y aura le quiz, bien entendu, en fin d'émission où vous allez pouvoir jouer ensemble et ça sera un quiz évidemment sur les plus beaux villages de France ou tout ce qu'il y a à voir en France. Et il y a des questions qui sont pas faciles, je le dis déjà. Là. Je sais que le dernier quiz, vous avez cartonné, mais en même temps, vous m'avez dit oui. Enfin, surtout Audrey, elle a dit oui. Ah, il y avait Antoine aussi. Oh, détends-toi, là. Hein ? Il y avait Antoine aussi qui disait oui, c'est hyper facile. C'est vrai. Donc là, j'ai essayé de faire en sorte de calmer votre joie. Et j'ai fait un quiz un petit peu plus compliqué. On verra si vous en sortez correctement ou pas. Comment s'est passé votre week-end, les amis? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Ça m'intéresse. Alors, ça m'intéresserait de le savoir aussi pour Martin ou Laura qui viendront nous rejoindre tout à l'heure. Mais Audrey, comment tu t'amuses toi en ce moment? Moi, ce week-end, j'ai fait un brunch parce que les brunchs, c'est hyper cool. J'adore les brunchs. Réexplique-nous le principe du brunch. Parce que moi, j'adore manger. Bah, un brunch, en gros, c'est histoire de mettre un mot sur le fait d'inviter des copains à manger un midi et en mangeant ce qu'on veut, sucré comme salé. Mmh. Donc, une sorte de buffet, quoi. Ouais. En français, ça fait. Non, mais ça fait tellement années 50, Théo. Arrête. Mais le buffet, mais non. Non, buffet, mais un buffet, ça fait un truc de mariage. Ou c'est un truc entre potes. Bah, c'est un buffet low cost. Voilà. Bah, non, alors là, mon petit chat, je peux pas te laisser dire qu'il était low cost. Je peux te dire que les pancakes. Le fromage, les saucisses, les œufs brouillés. Je suis en train de manger là en plus. J'ai terminé mon repas de régime, là j'ai plus rien à manger. Bon. Et bah c'est tant pis, t'avais qu'à pas m'insulter sur les brunchs. C'est pas faux. Tu l'as cherché. Teddy, t'as fait quoi ce week-end? Bah moi j'ai fêté l'anniversaire de mon fils. Donc le petit qui a. Il a quel âge? Il a eu 3 ans aujourd'hui. Mmh. Ouais. C'est l'âge d'aller à l'école, ça, 3 ans. Ouais, mais il ira qu'en septembre, hein, parce que oui, voilà, oui, il va parler effectivement cette période. Ouais, c'est pas le bon moment là, clairement. Non, on est d'accord. Bon. Donc bon bah petite fête, on va dire limitée hein, pour le coup. Donc les parents et enfin mes parents à moi. Donc, oui, grand-père, grand-mère, parrain, marraine. Oui. Il me semble que tu es le père. Il semble que j'étais là. j'étais présent, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a reçu comme cadeau? Ah, il a reçu un tableau pour écrire. Il a reçu des. Hein? Il commence à peine à parler, il va même pas rentrer à la maternelle que déjà. C'est trop bien comme jeu. Il sait même pas colorier. Il sait pas colorier. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il a reçu un livre. Il a reçu un livre de sa marraine. En fait, c'est un livre qui s'appelle Les Gribouillis. Les Gribouillis. Le coloriage pour les nuls. Non, mais clairement, en fait, il demande aux enfants de dessiner des gribouillis dans le cahier. À chaque fois, c'est genre le monstre à faim dessine un gribouillis dans la bouche du monstre. Bah ouais, c'est facile ça. Ça, il sait faire. Ouais, en fait, ce qu'il sait pas faire, c'est pas déborder, quoi. Ouais. C'est vrai. Mais c'est autorisé. Les garçons, il a 3 ans. Ouais, je sais. Moi, j'en attends beaucoup du fils de Teddy. Pareil. J'en attends beaucoup de mon propre fils. Bah oui. Les exigences sont hautes. On est des maths. 3 ans, j'attends au moins qu'il soit bilingue. Non, qu'il soit bon en maths. Parce que franchement, s'il est pas bon, je crois que... Ah, je le renie. Hein. Tu le renies, évidemment. Je le renie. Ah, direct. Super indigne. Tellement. C'est normal, c'est tout à fait normal. Bon, on a le droit d'avoir des exigences envers ses enfants. Oui, c'est vrai. Comme ça que tu leur mets la pression de la petite enfant. Tu leur crées des bons traumatismes, ça c'est bien ça. Tu sais, quand il est rentré à la maternelle, attention fils, c'est une année charnière. Tu vas rater ta vie, tu seras artiste. Non, je sais que... Non. Oh. Tu seras artiste. Oh, t'es bienvenue à la radio. Et ben voilà, comme on finit. Boum. Ah là là là là, mais c'est comme ça qu'on va vous parler de bien beaux sujets de ce soir et qu'on va voyager tous ensemble jusqu'à 23h dans cette émission à la maison qui sera bientôt disponible en podcast si vous avez envie de la partager avec vos amis. Mais pour l'instant, on va y aller. On va y aller avec de la musique et avec On ira de Mola avant de retrouver Teddy qui va nous parler des petites pâtisseries viennoiseries de la région. Jusqu'à 23h, l'émission à la maison, c'est sur Indestar. Tout est dit dans ce jingle réalisé par Sandra sur Indestar jusqu'à 23h, c'est l'émission à la maison du lundi soir avec au programme de cette soirée quelques aventures en France avec des spécialités culinaires à découvrir dans un instant avec Teddy. Mais avant, ouais, nous avons Martin qui nous a rejoint et ça fonctionne chez Martin. Salut Martin. Oui, me revoilà. Ah, bonsoir Martin. Ça fonctionne parce que c'est sur ton ancien setup alors que tu t'es racheté un ordinateur tout neuf à 15 000 balles et ça fonctionne pas dessus. C'est exactement ça, ouais. Il fait des lumières de toutes les couleurs mais il capte pas le micro. On rappelle quand même que, parce que tu nous en as parlé vendredi dans l'émission à la maison, mais c'est toi qui l'as monté le nouvel ordinateur. Ouais, ouais. Je l'ai monté de tout s'explique. Non. Et vilain. Et capable de monter un ordi, toi? Pardon? Tu es capable de monter un ordi? Oui, bien sûr. Bah mon ordinateur, je l'ai monté moi-même. Ouais. Mmh. Même si. Moi, je sais le faire. Personne ne me croit dans cette si, si. Moi, je te crois. Même moi, je sais le faire. Bon. Oh là là. Et arrête les lèche-bottes là. Monsieur le vice-président. Ouais, on en a parlé dans l'intro de l'émission de notre week-end, mais tout le monde, d'ailleurs, on a des messages d'auditeurs, ils sont 13585 exactement à te demander comment s'est passé ton week-end, Martin. Oh, tout ça. Ah bah, évidemment. Très très bien. J'ai décidé de faire un petit écart et partir en week-end. Bon, je suis pas allé très loin, je suis allé à Saumur. Ouais, ça va. T'es allé faire quoi? Mais retrouver une amie et voir le tour du château, puisqu'on peut pas rentrer cool. dedans. Exactement. Bah oui. Et donc Saumur, c'est en région Centre-Val de Loire, hein, si vous allez dans le coin. C'est la région des châteaux, donc voilà. Ah oui. On peut pas les visiter, mais on peut les voir d'extérieur. Donc très joli château, et bah du coup la ville est plutôt calme en ce moment. Oui. Tu m'étonnes. De France, malheureusement. Et ton amie était contente de te voir? Oui, tout à fait. Non, elle m'a rejeté. Ouais, elle l'a mis à la porte. Elle a fait, oh non, putain, pas Martin, là. Ah là là, je croyais que j'étais tranquille en ce moment. Et puis en fait, j'ai pas compris le pourquoi pas très bien. Il s'est bien passé alors ton week-end? Bien sûr, il a dit oui. Très bien. Ah, j'ai compris, pas très bien, moi. Oui, bien sûr. Ah, de mince. Non, très très bien, j'ai dû dire. Ah, d'accord. Ah, désolé, je me fais vieux. J'ai appuyé sur le prêt. Oui, non mais c'est bon, les problèmes de liaison, mais on t'entend très bien. C'est que je repasse après Théo, donc le casque il est paramétré pour Théo. Ah, j'avoue que j'avais augmenté à 300% le volume du casque vendredi parce que je n'entendais rien. Mais parce que tu es sourd. Oui, je sais, j'assume. C'est pas vraiment. Mais c'est pour que les gens soient au courant. Oui, vous le savez maintenant, je suis sourd. Bon, Teddy, oui. Tu vas nous parler de bouffe ce soir. C'est mon moment. Voyager et pourquoi ne pas voyager avec de la bouffe avec 5 pâtisseries viennoiseries régionales à découvrir absolument. Ouais, exactement. Mm-hmm. Et du coup, je balance un jingle. Ah. Encore. Le jingle trop long de Teddy. Mais bon, c'était... Si vous n'étiez pas là il y a 5 minutes, c'est toujours ultra vomite. Ouais. Mais c'est toujours trop long. Mais bon, c'est normal. Oui, c'est toujours trop bien. Oui, c'est toujours trop bien. Et c'est tout aussi bien de ce que je vais vous parler maintenant, tout de suite. C'est le moment. Mm-hmm. Vous allez avoir faim, j'espère. Alors, j'ai fait un petit tour. J'ai fait pas mal de recherches pour savoir ce qui pouvait se faire en France, ce qu'il y avait comme spécialité dite régionale. Voire même pas spécialement régional, ça peut être plus petit que régional, ça peut être départemental, ça peut être même... Ouais, voire même d'une local. Ville. Communal. Communal. Ouais, bah non, mais sérieusement. Genre par exemple, la première, ça vient du drone. Alors je sais pas où c'est en France. De quoi? De la drone. La drone, ouais. Bah je sais toujours drone, pas où c'est en pas France. C'est pas la même chose. C'est vous qui ferez la géographie. Survol dans le ciel. Oui, ah c'est dans le ciel alors. Non, je sais pas où c'est la drone. C'est où ça? La drone. La drone. La drone, ouais. Bah c'est où? Eh ben, c'est dans la Drôme. D'accord, merci. Merci. Merci, les gars. Okay. Ah bah, c'est Drôme, ça. Le sud-est de la France, par rapport à nous, c'est sud-est du côté de Valence, Lyon, par là, quoi. Ah bah, oh. C'est beaucoup plus bas. C'est plus... Oui, c'est plus bas. Montélimar, peut-être. Voilà, Montélimar, voilà. Valence, Grenoble. D'accord. Ouais, eh ben, il y, okay. Y a une ville là-bas qui s'appelle Roman sur quelque chose que j'ai oublié, parce que j'ai oublié de l'écrire, mais c'est pas grave. Tu es en train de nous donner l'eau à la bouche et tu vas même pas nous donner le nom de la ville où c'est produit. C'est pas très grave parce que c'est une spécialité qui s'est étendue bien plus que la ville. C'est issu de cette ville. Ça s'appelle les lunettes de Roman. C'est peut-être un peu bon. Ça a l'air très bon. Il y a quoi dedans? En fait, c'est deux sablés superposés où au milieu il y a une gelée de fruits, donc une genre de confiture, soit framboise, abricot. Et la petite particularité, parce que sinon ça te ferait un genre de benne à la confiture, hein. C'est que sur le sablé du dessus, t'as deux trous qui forment l'aspect lunettes. Les lunettes. Ouais. Ça fait un ovale avec deux trous et tu vois la gelée à travers. C'est assez sympa. Miam, miam, miam. Visuellement, ça envoie quelque chose de beau. Et alors, t'as envie de manger si ça. Vous faites la même chose que moi à la maison, mais moi je prends des notes, hein. oui, effectivement. Rappelle-nous les lunettes de. De Roman. R-O-M-A-N-S. Ah, c'est comme si c'était des romans. Ouais, comme si c'était des romans. Et ouais, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, c'est intéressant d'en parler seul. Ça a l'air bon. J'ai fait au coup de cœur, clairement. Tu les as pas goûté ? De quoi ? Tu ne les as pas goûtés ? Non, il y a peu de ces spécialités que j'ai goûtées parce que il y a peu de. Je me déplace pas en France, point barre. Oui, mais de par la Drôme. Peut-être que t'aurais pu goûter des trucs en cours, tu vois. Ah oui. C'est que pour l'émission de ce soir, tu vois, ce week-end, plutôt que de fêter l'anniversaire de ton fils, que tu serais descendu dans la Drôme, histoire de goûter les lunettes de Roman. Surtout que tu m'as dit qu'en plus, ça s'était exporté, donc j'imagine que même à Lyon, tu peux te trouver des lunettes. C'est pas faux. Non. Oui, mais si on cherche par là, c'est comme le cannelé bordelais, qui est spécialité de Bordeaux, mais où tu trouves partout en France. Partout en France, mais il n'y a jamais meilleur que les Baillardans, on va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est c'est pas une marque, mais c'est la maison de cannelé à Bordeaux. Genre, Baillardans, c'est ça. C'est genre l'élite du cannelé bordelais, quoi. Bah, bien sûr. Alors, les Bordelais qui nous écoutent, vous écrivez immédiatement sur Facebook quelle est votre maison préférée. Je veux tout savoir. Ma foi. De la maison où on achète des cannelés, attention. Oui. En sachant que ça, par exemple, chez nous, il y en a, ça se fait assez souvent dans les boulangeries. C'est une genre de petite pâtisserie imbibée de merde, de rhum. Je cherchais. De rhum. Oui. Non. Ouais. De quoi? Tu mets pas au rhum, toi? C'est pas imbibé. C'est pas imbibé. Pas imbibé, oui. Pardon. C'est pas comme un baba. Oui, tu fais pas ta viennoiserie, après tu mets pas le rhum dedans. Non, c'est dedans, il y a du rhum. Mais il y a quand même masse de rhum. J'avoue. Et puis c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Quand c'est pas dégueu. Je peux vous donner conseil. Un conseil pour les cannelés bordelais, c'est faire attention à la cuisson. Parce que c'est ça qui est primordial dedans. Il y a beaucoup de gens qui les cuisent beaucoup trop. Voilà, je balance ça comme ça. C'était le coup de gueule de Teddy. Le conseil culinaire. Conseil culinaire. Il y a un coup de gueule pour ses collègues parce que, en fait, tu peux en faire à la maison évidemment, mais. Ouais, c'est sinon, vrai. Je galère à faire des chouquettes chez moi, alors du cannelé bordelais. Je vais pas m'amuser à faire ça. Non. C'est un coup de gueule contre tes collègues. Oui. On a bien compris. Ouais, clairement, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de cannelés qui sont. Ils sont bons gustativement, mais ils sont beaucoup trop cuits, donc c'est pas. Bah, ça enlève de l'intérêt gustatif, clairement. Comme la viande, ne la faites pas trop cuire, c'est nul. Oui, il y a une autre spécialité qu'on trouve aussi par chez nous et qu'on doit trouver à peu près, je pense à peu près partout en France. On en a tous entendu parler, c'est le Queen Amam. Le Queen Amam. Ouais, je le prononce toujours aussi mal, mais je m'en fous. En Bretagne. C'est en Bretagne, c'est une spécialité de Douarnenez. Douarnenez. Désolé les Bretons, s'il y en a qui sont PLS. Ouais. Ah oui, j'ai pas vu la ville là, dans la prononciation de Teddy là. Ouais, moi non plus. Ouais, mais en même temps. Hein ? Oui. Ouais, Douarnenez. Voilà, c'est bien ça. Douarnenez. Oh putain. Là en fait, je l'ai mal écrit. J'ai écrit Douarnenez. Vraiment. Oui, mais encore ça va, la Bretagne c'est pas ce qu'il y a de pire en niveau de prononciation des noms. Va en Alsace, comme va nous parler tout à l'heure. Ah bah non, personne va nous parler de l'Alsace. si t'as envie, Théo. La violence. La violence. Région d'Alsace, et par contre, ils ont des noms de ville. Franchement, les Alsaciens, vous auriez pu faire un effort. Voilà. Ah ben. Oula, ça va déchaîner les commentaires sur Facebook. La balance ce soir, attention. En tous les cas, le Queen Amam, donc spécialité bretonne. Même si j'avais une hésitation, parce que j'ai déjà vu des recettes un peu différentes qui venaient d'ailleurs, notamment de la Réunion, mais bon, ça, peu importe. Queen qui veut dire gâteau et Amam beurre. On s'arrête là, c'est tout. Ça résume bien. Ouais. Ça résume bien, bébé. Si, on peut rajouter sucre à la rigueur, mais voilà. C'est aussi simple que ça. C'est une masse de beurre et de sucre et de feuilletage. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et c'est trop bon. Ouais. Et plus il y a de beurre et plus il y a de sucre, plus c'est bon, quoi. Mais c'est bien ça. Sûr. Parce Exactement. Que nous, en Touraine, on en fait. Tu peux en trouver dans certaines boulangeries, mais etc. C'est libéré. Il n'y a pas assez de beurre, il n'y a pas assez de graisse. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas assez de beurre, c'est qu'on ne fait pas les vrais Queen Amam. Les vrais Queen Amam, normalement, c'est pas individuel. C'est... à peu près pour 4 personnes, oui, la taille. Oui, c'est un énorme. Voilà. Ah bon, oui, c'est ça, les vrais, parce que... Et ça change tout, en vrai, clairement. Parce que quand tu cuis une portion individuelle de quelque chose, ça ne cuit pas de la même manière qu'un gros truc de 4... Enfin, pour 4, à peu près. Ouais. Ça change la texture, surtout dans le milieu. Enfin, ça change quelque chose. Oui. C'est pas pareil. Oui, parce que chez C'était le conseil de Teddy. Ouais. Non, mais c'est un peu sec. C'est vrai que le peu que j'en ai mangé, on les cuit trop fort. Parce que c'est... Ils sont trop petits, donc ils les cuit trop fort. Faudrait baisser le four, mais bon, il y a peu de gens qui s'amusent à faire... L'expert en Queen Amam en région centre, en tout cas. Bah non, parce que c'est pas la spécialité. Mais voilà. Encore une fois, enfin, je pense qu'on va pouvoir dire ça de tout ce que tu vas nous parler. C'est ça. Les spécialités vont être très puissantes dans chacune de leurs régions respectives. Par contre, dans les autres pays, elles vont être là. Mais elles vont être là sous forme un peu plus... moins respectueuse du produit de base. Et quand je dis moins respectueuse, c'est... Dans les autres pays. Dans les autres régions. Mais non, mais ça permet de goûter, mais en même temps, souvent, on est déçu parce qu'on se dit « Ouais, c'est pas si bon », alors qu'en fait, bah, quand t'es sur place et que t'en manges, c'est trop bon. Ouais, mais le Queen Amam, t'es jamais déçu, théoriquement. En vrai, enfin, quand tu connais pas, pourquoi pas, tu vois, mais pour en avoir mangé en Bretagne et en avoir mangé en Touraine, si j'étais déçu de ce que j'ai mangé en Touraine, Mais c'est que t'as pas mangé ce que je faisais à l'époque. Ah bah non, ouais, j'ai pas mangé les Teddy Queen Amam. Les Teddy Amam. Les Teddy Amam. Bon. Ça c'est autre chose. Les Amam, tout ça, oui, c'est autre chose. Faisons un petit tour en Ardèche. Alors là aussi, je sais pas où c'est l'Ardèche. Oh là, j'ai dit, je l'ai pas dit, mais je suis une quiche en géo. C'est dans le sud. Mais t'aurais pu regarder, sur Google. Non, surtout pas. De surtout faire. Non, faut pas faire ça. Je veux pas savoir où c'est l'Ardèche. Mais c'est trop bien l'Ardèche. Oui, mais peut-être. Mais je préfère tomber dessus au hasard que... De la châtaigne. La châtaigne. Oui. Ah bah ça va peut-être expliquer pourquoi... non, c'est pas châtaigne, c'est une noisette. Je vais vous parler d'un biscuit, ça s'appelle un macaron de joyeuse. Je sais pas si vous connaissez. Alors le macaron oui, mais de joyeuse pourquoi? Ah c'est un peu particulier. De noisette. Parce que c'est pas un macaron. Alors, il y a de la noisette dedans effectivement, mais c'est pas vraiment un macaron. C'est un mix entre un cookie et une coque de macaron. Voilà. Et t'as que ça en fait. T'as pas deux parties comme un macaron classique. T'as deux coques et dedans t'as une genre de gelée, confiture, je sais pas, framboise. Ouais, voilà. Et ben là c'est différent. T'as juste, c'est comme si on te donnait juste la coque du macaron qui ressemble un peu à un cookie quand même, clairement. Et c'est gros, enfin c'est plus gros. C'est à la taille d'un cookie. Donc voilà. Ouais. Et c'est goût amande noisette. Et c'est une spécialité de chez eux. Et franchement, ça me donne faim. Hein? Comment ça se fait? Bah, je sais pas, un petit cookie noisette amande comme ça. Il y a pas de morceau de noisette, il y a pas de morceau d'amande, mais t'as de la poudre de noisette et de la poudre d'amande. Ça doit être fondant, moelleux. Sans compter, il doit y avoir l'aspect cookie parce que ça ressemble à un cookie, mais dedans, ça doit être le moelleux d'une coque de macaron. Donc, clairement. La meilleure maison qui vendrait ça, ce serait la maison Charret. Ou Charrex. Comment tu fais ça? Ah, parce qu'elle fait la recherche Google en même temps. Elle veut le visuel. Quand on parle de nourriture, oui, clairement. Ouais. Non, mais je comprends ce point de vue. Alors maintenant, on va passer du côté de la Corse. Alors, j'ai galéré. Où c'est la Corse? C'est pas en Bretagne. Oui, alors eux, je sais où c'est. C'est pas en Bretagne. Eux, c'est facile, c'est une île. C'est un bout d'île dans le sud de la France, voilà. Je les dénigre pas du tout, les bœufs. Bref. Ils ont une genre de pâtisserie qui s'appelle le fiadone. C'est un peu particulier. Ça doit pas se prononcer comme ça. Ah bah ça se prononce. Bah ouais, bah chez, hein. J'ai pas la prononciation corse, je suis pas corse et je suis pas du sud. Vous, vous habitez en Corse, vous connaissez ce gâteau, vous l'avez deviné avec le nom que t'as dit. Oui. Dites-nous comment ça se prononce. Le fiadone, peut-être. À l'italienne, je sais pas. Non, oh non, ça m'étonne. Oh là là. Enfin bref, c'est un gâteau un peu spécial. En gros, c'est un moelleux. Ça ressemble à un moelleux. Mais dedans, oui, ça doit être plus compact et c'est à goût citron et brochu. Le brochu, c'est un fromage de Bretagne. Un fromage AOP d'ailleurs. De brebis. Un fromage de brebis. Ah, j'ai dit Bretagne. Bretagne. Merde. De Bretagne. De Bretagne. De Bretagne. Ah, c'est un fromage de Bretagne. Qu'est-ce que tu crois ? De Bretagne aussi. Non. Du lait de Bretagne. Oui. Ah, pardon. Je suis désolé. Non, non, c'est. C'est une spécialité purement de Corse. Il n'y a pas de la Bretagne dedans. Citron et brochu. Donc ça te, genre, ça te fait un genre de moelleux. Et je crois que par chez nous, on a aussi un truc comme ça. Mais j'ai bouffé le nom. C'est un genre de... Il y a des gâteaux de fromage blanc. Le tourteau. C'est ça, oui. Le tourteau, ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un genre de moelleux. Mais dessus, tu as une coque noire cramée. Parce que c'est du cramé, hein, clairement. Mais oui, je sais pas, il y a des gens qui aiment ça. C'est hyper bon, moi j'adore. Ouais. Non, mais il nous fait rêver là, Teddy, avec sa description. Mais, ouais, non, vas-y, je l'aime pas celle-là. J'aime pas cette pâtisserie-là. Ça pour nous faire saliver un peu parce que. Ah, du tourteau, c'est un. En gros, c'est une genre de brioche, mais avec du fromage blanc dedans. C'est une brioche avec du fromage blanc. Ouais. Mais pas du fromage blanc liquide, hein, c'est dans la préparation, donc tu vas pas le voir directement que c'est du fromage blanc. Mais ouais, c'est assez gros. C'est un vrai gâteau. Ça fait un genre de mini ovale, mais coupé en deux. Donc il y a de l'épaisseur au milieu, comparé aux autres gâteaux où des fois c'est plus creux au milieu parce que ça retombe et tout ça. Là c'est gros au milieu et ça fait une coque noire. Tout noir. D'accord. Parce que c'est cramé. Mais c'est normal, ça se mange comme ça. Moi j'aime pas, mais ouais. Beaucoup de gens aiment ça. Ça marche bien par chez nous. D'ailleurs, en parlant de chez nous, on va terminer là-dessus. Parce que chez nous aussi, on a quelques spécialités. Donc chez nous, c'est en centre Val-de-Loire. Il y a la tarte à thym. Qui a été inventé chez nous, qui a été inventé à la mode Beuvron. C'est tout simplement une erreur fatidique, hein. C'est une tarte renversée, hein, clairement. Alors, apparemment, la légende des sœurs Tatin et de la tarte renversée, c'est une légende, comme son nom l'indique. C'est peut-être une légende, mais bon, je trouve qu'elle fait très poétique, donc bon, enfin très poétique. Elle fait très terre à terre, c'est genre, oups, j'ai renversé ma truc, je vais la servir quand même, paf, tarte Tatin, voilà. Enfin. J'adore ce concept. C'est l'histoire, quoi. Ouais, non, mais pour moi, ça semble tellement crédible. Il y a tellement de créations comme ça qui ont dû arriver par accident. Oui, bah bien sûr. Ouais. Ça m'étonne pas, quoi. Bah, il y a aussi les chips. Les chips ? Les chips. Oui, raison. Oui, c'est un client qui demandait des tranches de patates toujours plus fines. Et au bout d'un moment, le cuistot, il en a eu marre. Il lui a sorti des trucs tellement fins que ça faisait des chips. Et au final, le mec a adoré et il paraît que ça serait comme ça que sont nés les chips. Waouh! Wow. Classe internationale. Le mec qui a voulu faire chier un client en fait et finalement il s'est retrouvé à faire une superbe invention. C'est génial quand même. C'est clair. Bah ouais. Par chez nous, en super invention, on a aussi le nougat de Tours. Alors super, je sais pas. Parce que gustativement parlant, je suis pas très fan. Mais ça reste quand même une de nos spécialités phares. D'accord. Déjà la... Attends, moi je suis pas personnellement, je suis pas hyper fan. Ah ouais, mais bon. T'aimes pas la tarte à thym? Comment c'est possible? Pas plus que ça, non. Mais t'aimes pas la vie en fait? Non, mais qui n'aime pas la tarte à thym? Les gars, mais des pommes et de la pâte et du caramel. Oui. Qui veut pas aimer la tarte à thym? Alors théoriquement, c'est pas du caramel. Les tartes à thym, c'est. Non, t'en mets pas forcément. C'est tu mets du sucre et tu dois le faire cuire pour qu'il devienne du caramel sans cramer ta tarte. C'est tout un truc complexe. T'es dit, on est d'accord qu'à la fin c'est du caramel? Oui, oui, madame. Voilà. Oui, mais bon. Non, mais... Je suis tatilleux. Non, mais tu vois, sur le truc aux noisettes, là, le comment? Le macaron de Joyeuse. Ouais, de Joyeuse. Moi, il me dit bien celui-là. Bah, nougat de Tours, peut-être qu'il te plaira si tu aimes les fruits confits. Les petits dés de morceaux... Enfin, les petits morceaux de fruits confits. En gros, c'est une macaronade. C'est un peu le même principe que... dans son nom, il y a bien macaron. Hein. Donc, dans la recette, ça ressemble un peu aussi au coque de macaron, même si c'est plus moelleux. Ça ressemble plus au moelleux qu'à un macaron, clairement. Ça se présente aussi sous forme de gâteau pour 4 personnes, à peu près, les nougat de Tours. Donc, t'as une macaronade aux amandes. Et dedans, au milieu, t'as une garniture aux fruits confits et confiture d'abricot. Voilà. C'est... Miam, miam, miam. Ah, je dirais pas que c'est moyennement dégueu, mais je suis pas fan des fruits confits. C'est pour ça. Ah, oh, moi j'adore ça. Il y a pas trop, mais la confiture d'abricot, ça peut être bon. Ça peut être bon. C'est, bah, c'est pas. Ouais. Franchement, c'est, si vous aimez, c'est bon. Ouais, voilà. Bah oui, évidemment. Si vous êtes allergique aux abricots, n'en prenez pas. Oui. Si vous êtes allergique aux amandes, ne mangez presque pas de pâtisserie. Voilà, c'est valable pour tout ce qu'on va dire ce soir. Oui, hein, c'est pas faux. Ça doit être trop bon, mais si vous gonflez à chaque fois que vous mangez une amande, ne mangez pas quelque chose avec une amande dedans. Oui. Je finirai par un petit truc aussi qui m'a posé problème. Parce que j'ai oui. pas compris tout de suite, mais ça va être le beignet. Vous connaissez oui. tous le beignet. Oui, un oui. beignet, oui. Ouais. Et ben, par chez nous, on appelle ça autrement et j'avais pas compris, moi. On appelle ça une rousserolle par chez nous. Ah oui. Ah mais ça, ouais, mais c'est pas pareil qu'un beignet. Mais c'est comme les. En fait, ça a plein de noms. Ça fait partie de. Oui. Ça fait partie de la famille des beignets quand même. Et ouais. justement, c'est en fait, un oiseau, ils. De quoi Non, la roussette, c'est un. Sur internet, je trouve juste. Non, rousserolle verderolle. Bah, pourtant. La rousserolle turdoïde. C'est un petit oiseau. Ah oui, mais c'est... non, mais c'est pas l'oiseau qu'il faut. Tu tapes rousserolle tour, tu verras. Rousserole parce que ça fait. La rousserolle, ça vient alors... de Tours. Mais en gros, c'est une, oui. c'est une recette de beignet. Ouais, c'est une recette de beignet décliné, quoi, clairement. Bah, c'est et... juste de la pâte frite. Hein. Oui, ouais, ouais, clairement. Mais il y a plusieurs c'est... manières de faire, c'est ça le pire. Et selon les manières de faire, tu changes de pays, enfin tu changes de pas de pays, de région de France. Oui. Parce que dans toutes les régions de France, t'as des beignets qui sont quasiment la même chose, mais déclinés sous des noms, mais il y a des milliers, enfin pas des milliers, mais presque des. Oui, mais ça permet de faire valider un nom, tu vois, et puis de, ah ouais. de faire une spécialité régionale aussi, quoi. Ah mais c'est ouais, mais clairement. Et ça m'a perdu parce que bah, je comprenais pas, je comprenais pas pourquoi ils appelaient ça d'une autre manière. Mais bon, ça c'était pour la petite anecdote. Par contre, j'ai aussi un petit D'accord. conseil à vous donner si jamais vous voulez faire des beignets rousserolles par chez nous. Souvent, les rousserolles, ça se présente comme un petit losange bien gonflé au milieu et qui va retomber assez vite. Et qui est pas très, enfin, qui a pas trop d'intérêt gustatif parce que quand c'est creux au milieu, bah, manger de l'air, c'est pas très intéressant, hein, on va pas se mentir. Du coup, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous faites votre pâte et que vous la découpez, vous faites une fente au milieu et vous faites un nœud. Comme ça, au milieu, ça va pas trop gonfler. Oui, un nœud. Ça va être compliqué d'expliquer ça à l'oral. Mais oui, parce qu'un nœud, un nœud comme tu fais tes lacets. Non, pas exactement. Oui, tu tresses ta pâte en fait. Vous imaginez un ovale pointu. D'accord. Oui. Vous faites une fente sur la longueur. Oui. Vous prenez un des angles, vous le passez dans le trou et vous le retirez du même côté d'où il vient. Et du coup, ça va vous faire une espèce d'entortillement. Et ça va empêcher que, bah, du coup, vu que t'as coupé ta pâte et que t'as fait un entortillement, ta pâte, elle va pas gonfler, elle va pas développer autant que, bah, que si c'était juste un carré, un losange. Donc ça va pas faire creux, ça va gonfler quand même, mais ça fera pas creux. Et ça fera de la matière assez bonne et juteuse à l'intérieur. Donc pas trop sec, pas trop cuite, et ça va se conserver beaucoup plus longtemps. Et gustativement, c'est une tuerie comparée au rousserolle classique, j'ai envie de dire. Voilà. Wow. Ça, c'était l'astuce de Teddy, hein, ouais, l'astuce du boulanger. L'astuce non, on a les grands spécialistes, c'est cool. Oui, je suis bon à ça, apparemment. Donc bon. Il paraît, ouais, il paraît. Merci, Teddy. De rien, c'est tout pour moi. Salut, je m'en vais. Non, là, on a besoin de toi. Dans un instant, il y aura Laura. Salut, Laura. Salut, j'ai débarqué. Hey. Salut. Elle est là. Galère. Tu as débarqué non sans qu'on le sache parce qu'il y a eu le petit ting qui nous a indiqué que tu étais à l'antenne. Et effectivement, avec toi Laura, on parlera de non pas de bouffe tout à l'heure, mais de logement. Voilà. Et puis avant cela, on va faire un tour en presque Bretagne avec toi Audrey, mais ça on n'a pas le temps d'en débattre. Et avant, on écoute Lavra avec Let's Get It On sur Indestar. A tout de suite. 21h-23h, vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Eh chouette, on fait le confinement ensemble. Bref, l'émission à la maison du lundi soir en tout début de semaine, c'est avec nous sur indestar.fr avec Laura qui nous a rejoint, avec Martin, avec Audrey, avec Teddy qui nous a bien ouais. parlé de bouffe et bien mis l'eau à la bouche. Si vous avez faim, c'est votre faute. À la bouche, pas à la bouffe. Ce soir dans cette émission, pour ensuite donc avoir le petit bidou bien rempli pour aller pourquoi pas passer un week-end à Nantes. Pour manger du curé nantais, parce que miam miam le curé nantais, c'est très bon. Du curé ? C'est du curé nantais, c'est du fromage. Oui. Et le fromage. Ah, ouais, je pensais au prêtre, moi. Mais... Bah non, on évite. Mais le fromage et le Nantes, c'est quand même le bastion des petits lus. Ah oui, la biscuiterie nantaise aussi. Ouais, mais il n'y a plus l'usine de petits lus qui avait encore. L'usine existe encore, elle est devenue un musée et, et une salle de spectacle et des restaurants. Mais tu peux encore visiter à travers l'expo qu'ils ont mis en place. T'as les moules originaux des petits lus. Lus qui veut dire lieu unique. Ah, ça je ne savais pas. Et moi je suis pas fan des petits lus, mais au reste de casser l'ambiance. Mais t'es peut-être fan des. Il y a plein de. Mais à partir de lui, il y a eu tellement de dérivés après. Enfin, il y a les petits écoliers, il y a plein d'autres choses. Ah oui, les petits écoliers, c'est déjà meilleur parce qu'il y a du chocolat. Les petits beurres, c'est la vie. Non, mais t'es peut-être pas. Les écoliers, je les dévore. T'es peut-être pas fan des lus, mais t'es peut-être fan des BN par contre. Moi ? Ouais. Ah non ! Non ? Ah, j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout les BN. Bah, ça vient de Nantes aussi. T'aimes pas ce qui vient de Nantes ? Il se remplit de Nutella, lui, c'est pas pareil. Ouais, non, mais, les BN, non, ça m'a jamais. Bon, trêve de BN, si vous voulez aller à Nantes. Oui. Parce que Nantes, c'est une ville formidable pour y vivre et pour y passer des vacances ou juste un week-end. Parce qu'en plus, c'est hyper accessible. Vous pouvez y aller en train, en voiture, même en avion. Parce que Nantes, il y a un aéroport. Et puis, c'est pratique parce que vous avez un appartement là-bas. Il y a chez ma meilleure amie, je vous donne l'adresse si vous voulez. Voilà, en plus, vous avez du placement produit. C'est étudiant, Il y a plein de Airbnb hyper cool et stylé à pas cher. Ouais. Genre vous faites ça entre potes et vous dépensez pas grand chose la nuit. Et après il y a mille. Il y a quoi par exemple comme Airbnb intéressant? Enfin je veux dire, je pense pas que t'aies les exemples en tête, mais des styles. Pas du tout. Ah bah de style, c'est des vieilles villes, donc il y a forcément des belles maisons à colombages. Il y a plein de. Après ça dépend quel budget tu veux mettre. Tu peux aller dans une maison d'architecte. Après ça dépend si tu vas dans la haute ville, dans la basse ville, tout ça, tout ça. Mais de toute façon, Nantes, c'est cool et stylé. Puis ça reste abordable, parce que c'est quand même assez étudiant là-bas. Enfin, il y a plein de jeunes. C'est très étudiant, ça bouge beaucoup. Bon, alors, on parle du temps d'avant, ce putain de confinement. Donc, oui, il y a plein de bars, il y a plein de restos, c'est trop chouette. Il y a plein de musées. Il y a surtout Nantes. Qui dit Nantes dit Anne de Bretagne. Et le château des Ducs de Bretagne, le château de Nantes, est absolument incroyable à visiter. Rien à voir avec nos châteaux de chez nous, en Touraine, où là, c'est un vrai musée, il est vraiment habité, il y a une vraie histoire, il y a des expos permanentes et temporaires. C'est quasi très bien. Tu es en train de nous dire que chez nous, c'est de la merde ? Bah, il y a plein de châteaux vides chez nous. Hein. Oui ! Il y a plein de châteaux, Là, oui, là, il y a une vraie histoire, il y a un vrai truc. Non, il y a un vrai abandonnement, c'est ça que je veux dire. Ah, c'est parce que chez nous. Il y a des châteaux qui ont été légèrement cambriolés. Ouais. Non, mais c'est les châteaux, on s'en fout chez nous, il y en a tellement qu'on s'en branle. Mais c'est surtout que chez nous, c'était pas des lieux de villégiature, c'était des lieux de vacances. Ouais. Donc les rois, ils venaient, ils posaient leurs valises et puis ils faisaient leur saison de chasse et ils partaient. C'est surtout ça l'explication. Donc. Vous pouvez visiter le château des Ducs de Bretagne. Si on continue dans tout ce qui est culturel, vous pouvez aller au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Il est vraiment, genre, vous rentrez pour 2 euros et il est vraiment hyper beau, hyper sympa. Après, pourquoi pas aller derrière et aller faire un petit escape game à Escape Nantes. Donc un petit escape game, pour ceux qui ne savent pas. Pendant une heure, tu t'enfermes dans une pièce et t'es face à des énigmes. Et la particularité d'Escape Nantes, c'est que tu es dans... les salles sont faites en fonction de l'histoire de la ville de Nantes et des gens qui ont vécu tout ça. Ah, mais c'est quoi, c'est un partenariat avec la ville ? Pas du tout, c'est eux qui ont créé leur salle et avec des acteurs qui interagissent avec toi. Et c'est trop bien. Bref, il y a ça qu'à Nantes alors Non, bien sûr que non, il n'y a pas que ça à Nantes, mais mon week-end il est à Nantes. Théo. Ah non, pardon. Non, mais parce que oui, les escape games, vous en avez dans toutes les villes de France maintenant. Mais bien sûr. Mais les spéciales Nantes, t'en as qu'à Nantes. Mais l'escape game de Nantes, il n'est qu'à Nantes. Spéciale histoire de la ville. Et pour ceux qui sont intéressés, il y a un escape spécialisé d'horreur juste à côté. Je ne suis jamais allée, mais il paraît que c'est oufissime. Bref, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on a fait plein d'activités culturelles. On a très très faim. Et donc, on va sur les bords de Loire, manger des petits lus. En rue, déjà, mais surtout à ce magnifique restaurant qui s'appelle le 1 rue Olympe de Gouges, sur les bords de Loire, à côté du nouveau tribunal, pour ceux qui connaissent les bails. Oh, le 1, c'est la ville à mort. Voilà. Une fois que vous avez mangé au 1, vous pouvez mourir. Vous pouvez aller manger au 2. parce que le 1, quoi. Enfin, voilà. Parce que le 2 sera jamais aussi bien que le 1. D'accord, une d'accord. Une fois qu'on a fait ces petites activités culturelles, qu'on a mangé, on peut évidemment, et il faut, aller voir les machines de Lille, qui sont des animaux mécaniques animés en grandeur nature. Ah, c'est absolument super bien. Incroyable. Où vous pouvez monter sur l'éléphant qui vous emmène pendant l'été. Comment, Martin ? Même bien plus grand que grandeur nature, l'éléphant il est immense. Ah oui, c'est il est pas grandeur nature, hein, l'éléphant. C'est un grand éléphant quoi. Mais il est plus grand. Il est bien plus grand que grandeur nature, je vous confirme. Pour comparaison, il fait la taille des éléphants dans le Seigneur des Anneaux. Hein. T'as un mammouth. Oui, c'est plutôt un olifant. Oui, voilà. Un olifant, ouais. Il est trop bien. Aller sur l'éléphant en plus. Oui, exactement. L'été, il se promène et il arrose le public et c'est super chouette. Et après, vous pouvez donc une fois que vous avez juste fait votre petite anecdote par rapport à ça, c'est l'un des seuls lieux que j'ai visité. Enfin, j'y ai même pas été moi dans l'éléphant, mais j'ai vu les machines de Lille. Et ils ont une boutique et normalement les boutiques de souvenirs, elle est trop bien, la boutique. Des petites tours Eiffel, des petites choses qui sont pas forcément. Enfin, personnellement, j'y trouve pas mon compte. Alors que la boutique des machines de Lille, elle est hyper chouette. T'as envie de tout acheter. Et j'avais ramené des posters et tout ça qui sont super bien faits. Ah oui, ils avec sont trop beaux. Tout ce qui est industriel, poétique, etc. Il y a un mélange de tout ça et c'est super beau. Et l'éléphant, je viens de voir du coup sur un moteur de recherche très connu, le grand éléphant des machines de Lille de Nantes fait 12 mètres de haut, alors que la taille d'un éléphant lambda, un éléphant d'Asie par exemple, c'est entre 5 et 6 mètres de hauteur. 6 mètres. Ok, autant pour moi, c'est deux éléphants. Pardon. Non, attends, mesdames. Des lits super posés d'éléphants. Voilà, c'est un double en fait. C'est un double éléphant, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Pardon, messieurs, mesdames, les botanistes. Mais vous faites excuse, mais c'est trop bien. Les botanistes. Donc, vous êtes allé faire un tour aux machines de Lille, et là, vous vous dites mais regarde en face, il y a un truc trop cool. Et le truc trop cool, ça s'appelle Trottepou. C'est une ville. C'est une ville d'artistes. Un village d'artistes. Vous prenez le bac. Vous traversez la Loire et vous arrivez à Trottemou, que j'appelle personnellement Croque-mou. Et vous allez manger une petite crêpe des familles, puisque nous sommes en Bretagne. Et il y a donc chaque... en plus là-bas qui sont chouettes. En Bretagne, attention. Hein. Bien sûr que si, wesh. Ah, ça y est. Moi, j'en connais des Nantais. Des Nantais. C'est pas la même. On a voulu, je pense, ça. On est sur du débat, genre pain au chocolat, chocolatine, Nantes, Bretagne ou pas Bretagne. Oui, j'adore. Il y a des débats là-dessus, effectivement. Il y a des débats. Continuez une fois que vous êtes sorti de Trottemou. Non, il y a des maisons colorées à visiter à Trottemou. Attends un peu. J'ai pas Mais c'est trop bien, c'est un village d'artistes trop bien. Genre, il y a toutes les maisons. Il y a peu de maisons habitées parce que toutes les maisons sont des maisons d'artistes où on peut aller voir ce que les gens font, acheter, tout ça, c'est trop bien. C'est ça, et en fait, je trouve ça hyper dépaysant parce que t'es vraiment à deux pas de Nantes. Alors, tu peux y aller en voiture aussi hein, sans prendre le bac, mais t'es vraiment à deux pas de Nantes et tu te crois dans un petit village de pêcheurs à l'autre bout du monde. Et c'est génial. Et une fois qu'on a fait Trottemou, on va aller faire la fête parce que Nantes, c'est aussi la fête. Mmh. Aller voir les anneaux de Buren qui sont sur les quais. Pour aller au hangar à bananes. Mais oui, le meilleur spot pour aller danser, pour aller boire des verres, pour aller se poser, pour aller faire la fête. C'est quoi le rapport avec les bananes alors ? J'ai plus le nom. C'est sur les justement à côté des machines de Nantes. C'est un espace qui est ouvert avec des conteneurs, etc. Comment ça s'appelle ce truc ? Je sais, tu te démerdes. Ah, c'est les anciens docks, non ? Cantine à la poule. Non, ça fait, c'est comme une guinguette, une grande guinguette en fait, qui est à l'extérieur. Comment ça s'appelle ? J'ai perdu le nom, c'est les Nantais, si vous sachez, dites-le nous. Mais c'est des gros conteneurs qui sont. Enfin, c'est très artistique et il y a pas mal de choses qui se passent là-bas quand c'est de la vie. Et donc voilà, quand vous allez au hangar à bananes, qui est donc un ancien dock réaménagé. C'est quoi le rapport avec les bananes ? C'était un quai pour. Nantes, c'était une ville de trafic négrier. Ah ouais, de trafic négrier, et en fait ils échangeaient des esclaves contre les bananes qu'ils récoltaient dans les dom-doms, etc., etc. Ah ouais. Donc gros passif. D'ailleurs, très intéressant, merci d'avoir fait le rebondi. Dans le château des Ducs de Bretagne, il y a une incroyable exposition sur tout le côté obscur de Nantes, toute cette ce pan de l'histoire de la traite négrière. Oui, ouais. Voilà, exactement. Ouais, très, très intéressant. Incroyablement intéressant. Et voilà, donc vous êtes allé faire la bonne fiesta des familles, rencontrer des gens cool et stylés, boire des verres tel un corsaire, tout ça, c'était trop bien. Et donc le lendemain, vous êtes un peu fatigué, donc vous dormez dans votre Airbnb cool et stylé. Oui, vous mangez des trucs cool et stylés, bien sûr. Et le petit dernier truc pour que j'ai à vous proposer pour vous remettre en jambes tranquillement, profiter de la vue, parce que Nantes, il y a quand même une petite hauteur, c'est d'aller voir la maison de le musée Jules Verne, pardon, qui est incroyablement beau, parce que c'est adapté des contes, enfin de l'univers de Jules Verne. Donc la maison est incroyable, et enfin la maison où se tient le musée est incroyable. Et nous aurons fait un week-end de folie et de décadence à Nantes. De décadence, ouais. Après, il faut rentrer, mais peut-être que vous habitez déjà là-bas, donc à ce moment-là, et peut-être qu'il y a des choses... Vous êtes trop chanceux si vous habitez là-bas. Mais oui, mais en fait, même si vous habitez là-bas, vous avez bien fait de suivre cette émission et ce que vient de nous dire Audrey, parce que c'est comme quand on habite un peu dans toutes les régions de France, il y a des choses, on se dit « Ah ouais, c'est vrai ça, j'avais oublié où je l'ai fait étant petit avec ma classe de CM2 », mais on n'y pense pas forcément à aller de nouveau visiter ça en tant qu'adulte, etc., et à se dire la chance que l'on a de vivre dans une ville qui a tant de ressources. C'est exactement ouais, c'est ça, terminé. Mais ça fait un gros blanc. C'est dingue. Pardon, j'ai fait. Pardon. C'est trop archivant. Bon, je pensais qu'il y avait des rebondissements, mais non. Non, non. Rien du tout. On a bu tes paroles et c'est tout. Quelle était la question ? Il n'y avait aucune question. Bon, moi je vais vous présenter trois régions coup de cœur dans un instant. Et avant cela, on va écouter John Hassell qui reprend Avicii avec le titre Addicted to You sur Indestar et dans cette émission à la maison. Et 21h, c'est l'émission à la maison sur Indestar. Bienvenue à la maison, bienvenue dans cette émission spéciale confinement, spéciale couvre-feu, spéciale toute cette période de... Voilà, donc nous traversons, mais ça ne nous empêche pas ce soir de s'évader, parce que c'est ce qu'on a décidé. On va s'évader en France, on va rester dans les limites de la France qu'on n'a pas le droit de franchir, mais pour parler de régions, de spécialités, de logements qui peuvent être marrants, intéressants à voir. Et ce soir, je vous ai réservé trois régions coup de cœur qui sont, je trouve, légèrement sous-cotée, alors qu'en vrai elles valent fortement le coup pour passer des vacances agréables et surtout tranquilles, parce que oui, les régions dont je vais vous parler on se la coule douce, mais ça n'empêche pas d'avoir une soirée débauche, hein, bien entendu, mais on se la coule douce avec les vaches. Et en 3, j'ai mis la Nouvelle-Aquitaine. Alors maintenant, on a des régions immenses, hein, donc j'ai essayé de réduire un petit peu, parce qu'en vrai, la Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi bien Bordeaux que Limoges, que Angoulême, voilà. Mais je vais pas vous parler de ces trois villes, ni même de La Rochelle, parce que c'est super bien, mais en même temps, on y a tous déjà été, même Teddy, n'est-ce pas ? Bah ouais, ouais, c'est étonnant, mais ouais. Si Teddy est allé, c'est que tout le monde est allé. Ouais, clairement. En vrai, je me suis plutôt recentré sur genre la Corrèze, la Creuse, la Dordogne, la Vienne, tout ça. Donc si vous allez en Corrèze, qui est un peu la maison de retraite de nos anciens présidents, hein, Chirac, Flamby, tout le monde y était. tu vas en Corrèze parce que c'est Flamby qui te fait marrer. T'as dit ça tellement d'un naturel, Chirac, Flamby, c'est normal, tu vois. François Hollande, évidemment, bon pardon, s'il nous écoute. S'il nous écoute, genre t'as cru vraiment. Melon. Ouais, ça va, ouais. Melon. T'as cru que t'étais maraîcher ou quoi ? Alors, c'est pas la spécialité de la Corrèze, le melon. On sait jamais, il y a peut-être quelqu'un de la famille de François Hollande qui nous écoute. En Corrèze, le village d'Argenta sur Dordogne. Est-ce que vous le connaissez celui-là ? Non. Bien sûr que non. Mais pourtant, il est très bien. Il y a des quais pavés où on pourra les jeter dans la mare, parce que oui, il y a des mares là-bas aussi. Il y a la Dordogne, comme son nom l'indique, qui est un beau fleuve. Et puis, il y a des cascades. Il y a les cascades de Murel avec trois chutes d'eau. C'est un petit peu comme les chutes du Niagara, sauf que c'est un peu en miniature, mais bon, ça donne un aperçu. Non, il y a moins de touristes quoi, dans les chutes du Niagara. Ah oui, oui. Sinon, il y a les tours de Merle. Donc, elles sont 7 et elles appartenaient à l'époque à 7 seigneurs différents. Et aujourd'hui, elles n'appartiennent qu'à vous d'y aller les voir. Donc, faites-vous plaisir. Oh, et puis, beau. On n'oublie pas non plus le village de Collonges-la-Rouge. Je vais y arriver. Collonges-la-Rouge, c'est très beau. C'est très, très beau. Oui, parce que c'est rouge, donc c'est vachement beau. Ah, ça fait plus rêver que la rouille, hein, clairement. Non, c'est la rouge. Oui, mais bah, oui. Ça fait plus rêver que la rouille. Oui, bah, en même temps, la rouille, c'est rouge, donc ça va. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est beau. C'est très beau. Tu connais, Martin ? Non, mais en même temps que... Tu cherches sur Google, voyage grâce à Google Images. Exactement, c'est la magie de Google. Les tutos pas chers de voyage. Mais un petit Google Street View, vous vous baladez dans Collonges-la-Rouge et vous allez voir, c'est kiffant. Vous n'avez plus besoin d'y aller. Exactement. Mais c'est bien, on peut y aller même encore en temps de couvre-feu. Oui. Si vous allez dans la Creuse maintenant, alors la Creuse, mais en même temps, c'est aussi c'est à cheval sur trois départements. Faut aller au plateau des 1000 vaches. Parce que là-bas, il y a 314 000 hectares de forêts, de prairies, de tourbières, de lacs, de sources et sûrement au moins 1000 vaches aussi, hein, j'imagine. J'espère, parce que je serais déçu sinon. Oui. Mais toi, qui aimes la forêt, Teddy, tu serais content au plateau des 1000 vaches. Ouais, c'est vrai. Mais ça doit être un trou paumé quand même. Parce que quand quand tu dis tourbière, tu vois déjà, il y a peu de gens qui habitent dans les tourbières. Hein. Oui, bah évidemment, voilà, c'est à cheval en fait entre la Creuse, entre la Corrèze et puis je sais plus un troisième. Bon, enfin bon, oui, c'est perdu, mais c'est trop bien. La Vienne. Peut-être la Vienne, ouais, peut-être la Vienne. À Aubusson, ça fait plus de 600 ans qu'ils fabriquent des tapisseries, donc vous pouvez aller les voir pour les encourager, ça leur fera plaisir. Et puis dans la Creuse, il y a le lac de Vassivière pour se baigner et les monts du Guéret pour se faire de l'acrobranche, parce que j'aime bien l'acrobranche. Ouais. Voilà. sinon, dans le Périgord, évidemment, bon, il y a la grotte de notre ami Lascaux, hein, qui chasse le mammouth, tout ça, et qui a d'ailleurs un mammouth qui est aussi grand que l'éléphant de Nantes. Mais il y a aussi plein de châteaux, dont celui du Puy de Martin. On se demande ce que tu y cherchais, Martin, là-dedans. Mais il y a ton château. Et puis il y a la ville de Bergerac avec Cyrano forcément qui est sous le balcon. C'est un pic, que dis-je, c'est un roc, c'est une péninsule. Calme-toi, Cyrano. T'es pas ibérique, la péninsule, bref. Et puis il y a Sarlat qui est une très belle ville où il y a un pensionnat où discipline stricte et travail acharné triomphe de toutes les difficultés. Vous vous rappelez de l'émission d'M6 il y a 15 ans, non, personne? Si, oui. N'était pas né. T'étais pas né comme le poisson. Ok. J'en avais déjà vu des extraits. C'est vrai? T'as des extraits du pensionnat de Sarlat? Non, mais genre pendant les coupures pub, quand ils font leur promo de la série, enfin pas de la série, mais du docu. Ah, mais t'as pas regardé? Non. Et puis enfin, toujours dans cette région, d'être bien. Mais Sarlat, il y a quand même les pommes de terre sarladaises. Enfin, non, moi j'ai pas parlé des pommes de terre, ça va. Mais c'est hyper bon! Arrête, c'est cuit dans la graisse de canard! Bon, mais la ville de Sarlat est très belle, hein, donc vous pouvez aller dans un restaurant de la ville de Sarlat manger des pommes de terre. Y a aucun souci. Et puis dans la Vienne, alors oui, dans la Vienne, il y a le Futuroscope. Mais au Futuroscope, vous vous rappelez du cinéma 4D avec le mec qui se balade dans la Vienne et qui dit que c'est super beau la Vienne? Donc oui, c'est super beau la Vienne. Même si ça porte le nom d'une ville qui n'est même pas dans la Vienne. C'est au sud de Lyon, hein, la Vienne, pour info. Mais c'est beau, la Vienne. Voilà, si vous aimez vous trimballer sur les canaux, sur des petits bateaux à moteur, là, ou pas à moteur d'ailleurs. Des gondoles, c'est super. Mais pas à Venise? Non, alors pas les gondoles, non. Des pédalos. Des pédalos. Oui, ah, merde. Alors non, oui. Pas un pédalo, je pensais plutôt à des petites barques en fait sur la Vienne. Non, parce que s'il faut pédaler, franchement, ça vaut plus le coup. Bah non, on est d'accord. Donc ça, c'était ma région numéro 3. En 2, j'ai mis l'Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment parce que j'habite à Clermont, mais parce qu'il y a la montagne surtout pour aller skier à Superbass l'hiver, parce qu'il y a Saint-Etienne pour admirer le désastre de l'industrie des années 60. Il y a Aubut quand même à Saint-Etienne. Oui, alors il gagnait au foot avant, ouais. Mais non, au but, c'est les boules de pétanque. Et il y a Clermont-Ferrand pour admirer la pollution sur les pierres. Non, autant pour moi, c'est naturel le noir, pardon. Mais c'est dans le département du Puy-de-Dôme. Et dans le Puy-de-Dôme, il y a le Puy-de-Dôme. Il y a Vulcania. Et, oui, alors il y a Vulcania, ouais, effectivement, pour les enfants, ou pas d'ailleurs. Et puis il y a le Puy-de-Dôme où tu as une belle vue seulement deux fois par an parce que sinon t'es dans les nuages. Mais sinon, non, c'est parce que la fois où tu es monté, t'étais dans les nuages. C'est non, t'es toujours dans les nuages, je t'assure. C'est salé de ouf. À l'époque où je faisais de la radio le matin et que je voyais le Puy-de-Dôme de ma fenêtre, tous les jours il faisait super beau, sauf sur le Puy-de-Dôme. Voilà. Mais non. Je peux te dire que le Puy-de-Dôme vaut mieux voir de vue d'en bas. Sinon, tu vas randonner dans le Livradois-Forez où il y a de quoi s'occuper, puisque là, tu as 2000 km de sentiers, de lacs, de torrents. Tu peux aussi le faire en vélo. Mais si vraiment t'aimes le vélo, alors là, il faut aller en Ardèche, parce qu'en Ardèche, tu fais du vélo-rail. Et vélo-rail, j'en ai fait quand j'étais petit. C'est comme un pédalo, mais sur des rails, tu vois. C'est chouette à faire quand t'es enfant parce que t'as tes parents qui pédalent. sinon, ah ouais, c'est... Demande pourquoi je comprends pourquoi tu aimes ça, en fait. Tu aimes ça parce que t'as pas besoin de pédaler. tu fais des vélos sans pédaler. Non, mais tu te dis ça serait bien, mais avec un moteur. En fait, ça serait bien un train, quoi, tu vois. Oui. C'est... Mais bon, voilà. C'est, le principe est sympa, quand même. Ils, ont, ouais. ils avaient des rails qui ne leur servaient pas. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ok, on va faire du vélo-rail. Et puis, en Ardèche, il y a aussi les gorges, des gorges et des grottes. Toute la trachée humaine, en fait. Il y a les gorges du Verdon en Ardèche. Ah, oui. Oh, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bien. C'est trop bien. Les gorges du Verdon, c'est trop bien, clairement. C'est magnifique. Alors, il y a un peu trop de touristes là-bas. Mais oui, c'est bien. Et puis, il y a la cité de la préhistoire qui a visité parce que les gamins vont adorer, parce que ça fait 8 ans qu'ils bossent à l'école, donc ils sont rodés. Et puis, alors, généralement, hein, que ce soit dans le Cantal, le Puy-de-Dôme ou la Savoie, on va revenir parce que c'est un point central de cette soirée, j'ai l'impression, mais il y a de la bonne bouffe. Il y a de la charcoute, il y a le meilleur fromage de France. Tu mélanges tout ça, ça te donne de la fondue. Et ça, t'es le plus heureux après avoir une randonnée en 4x4 de manger une bonne fondue savoyarde. C'est quoi le meilleur fromage de France? C'est tout. En vrai, j'aime beaucoup de choses, mais le Cantal, oui. Le Saint-Nectaire, oui. Enfin, tous tes fromages, j'adore. Oui, d'accord. Ok, je voulais juste savoir. Non, oui, c'est, d'accord. Ok. Le Beaufort. Ouais. Ouais. Ouais. Oui, oui. Non, pas la vache qui rit, hein. Non, la vache qui rit. C'est ouais. pas, c'est non, pas de là-bas. Je pensais au Babybel, voyons. Non, ah là là. Là. Et pour enfant numéro 1, alors là, j'ai mis une petite région, mais bon, c'est normal qu'elle soit petite parce que sinon, ça porterait le nom d'un pays. C'est la petite Bretagne. Pas la Grande-Bretagne, c'est la petite Bretagne. Mais c'est où ça? La Bretagne? Mais oui, non, je... Ah bah la Bretagne, oui, je sais où c'est, mais la petite. Non, mais c'est la Bretagne, c'est parce que c'est par rapport à la Grande-Bretagne, t'as compris la vanne. Ah ouais, oh. Merde. Alors, voilà. Premier degré, Tim. Mais bon, en vrai, la Bretagne, c'est pas vraiment sous-côté, mais enfin, un peu quand même, parce qu'on dit qu'il pleut tout le temps. Voilà, ce qui est vrai, hein, mais en même temps, c'est pour ça qu'on n'est pas tous. Dans le sud de la France à se marcher les uns sur les autres ou à être 15 000 sur la plage, bah en Bretagne on a de l'air frais, on a des beaux paysages qui sont pas tout cramés je peux confirmer ouais. Pour avoir vécu en Bretagne, du coup c'était en début 2020, fin 2019, j'étais du côté de Lorient. Bon, Lorient c'est pas une ville si exceptionnelle à visiter, mais par contre toutes les côtes sont vraiment géniales, quoi. Enfin, et puis surtout quand tu y vas en arrière-saison, enfin un peu vers juin-septembre, s'il y a une bonne arrière-saison, franchement t'es tranquille et t'as des étendues de plages sauvages rien que pour toi, quoi. Ouais. Y a pas d'algues vertes? Il y avait ça par ça moment. Ça dépend des plages. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'algues vertes. Mais c'était beaucoup du côté Bretagne Nord. D'accord. J'avais vécu à un moment donné par là aussi. Mais ça dépend des moments. Ouais. Mais effectivement, il peut y avoir des algues vertes en fonction des marées, en fonction de l'environnement aussi. Parce que les algues, ça fait du bien à la peau. Donc voilà. Ouais, non, celle-là te tue, hein, clairement. J'ai une question. Ah, ça part à ma joie. J'ai une question pour vous parce que j'ai entendu ça récemment, mais je sais pas en fait. Le Mont Saint-Michel, c'est en Bretagne ou pas? Ah non, non. Ah, ça c'est toute la question. Ah non. Ah ouais, justement. C'est la bagarre perpétuelle. Il paraît que ça dépend du côté de la rivière. Ça veut dire quoi ça? Bah le Mont Saint-Michel, c'est une île, mais et quand la marée descend, ça crée une espèce de rivière. Et il paraît qu'en fonction du côté où est la rivière, c'est soit en Normandie, soit en Bretagne. Pour moi, c'est la Normandie. Mais bon, après. Les débats sont ouverts. Attends-vous sur Facebook ou sur Instagram sur une des stars. En bouffe, en Bretagne, parce qu'il y a des crêpes là-bas. Il y a des Queen Amman, on en a parlé. Il y a des huîtres si vous aimez les huîtres. Oh, et puis, il y a le vin avec leur pote modération, évidemment. Il y a ce qu'il faut, il y a du cidre dans les bars. Le chouchen. De quoi? Le chouchen. Le chouchen aussi, oui, évidemment. Bien sûr. Et puis, dans les bars, il y a des gens qui portent des chapeaux. Oui, voilà, ils dansent de la danse traditionnelle ou le son des bagades aussi. Et puis d'autres chansons, ils te racontent que leur oncle a disparu en mer et que c'est tragique, mais c'est très bien, il y a très bonne ambiance. Et puis en Bretagne, il y a Saint-Malo. Alors, comme ville, effectivement, Lorient, c'est pas ce qu'il y a de top, mais par contre, Saint-Malo, c'est cool. Tiens, bon, là-bas, calme-toi. Okay. Ah, ça donne pas envie de venir quand tu chantes comme ça, ça donne pas envie. Hein. On se dit, oh là là, on va rentrer chez soi. Ça va tellement il va pleuvoir. la kermesse de C1 en 96. Bref. Waouh. Et il est gentil, hein, on l'apprécie beaucoup, mais des fois c'est fatigant. Je sais. Et surtout à Saint-Malo, il y a le beurre Bordier. Les gars, mon Dieu. Le meilleur beurre de la ville. Je sais pas. Ah là là, ça connaît. Moi, je pensais. Ils ont un espèce de drap blanc et noir là qui traîne partout, même en festival de musique. Non, je plaisante. C'est une petite référence. Bah tiens. Cette fois-ci, Audrey, je te coupe l'herbe sous le pied. C'est moi qui vais faire référence à un youtubeur. Je sais pas s'il est vraiment youtubeur, mais bon. Il s'appelle Marty, il fait des vidéos assez drôles. Marty ! Oui, il s'appelle Marty. Et il fait des vidéos assez drôles. Et à un moment donné, il fait une vidéo sur. Deuxième carrière, il fallait nous le dire. Bah, il fait une vidéo qu'il est en Bretagne. Je préfère être anonyme, mais bon. Anonyme en étant Marty ? Ouais. Dommage. Et il fait des vidéos cool et à un moment donné, il est en Bretagne et il parle du drapeau breton, comme quoi il y en a partout, dans le garage, dans la voiture, dans... partout. Non seulement vous les Bretons, vous avez votre drapeau en Bretagne, mais partout où vont les Bretons, ils ont leur drapeau. C'est-à-dire que tu peux te retrouver à l'autre bout de l'Europe, voire à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, tu veux une anecdote rigolote ? Le drapeau, oui, vas-y Audrey. Donc je suis partie en voyage en Californie il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant. Et j'étais au milieu de nowhere, vraiment, j'étais au plein milieu de l'État de Californie, vraiment entre deux points, entre Eureka et la frontière avec Portland, enfin bref, nowhere. Et j'ai suivi une voiture avec un triskel. Évidemment. Putain, vous êtes sérieux? Et quand je me suis arrêtée à la pompe à essence, c'était des François Giche. Nice. Oui. Pourquoi je ne sais pas. Mais parce que les Bretons sont des voyageurs, des voyageurs. Non, sont des fiers. Ce sont des fiers parce que tu peux voyager sans emmener ton drapeau. Oui, c'est des fiers de leur patrie. Ils ont la fierté. Ils ont Il y a une culture entre les Bretons et les... Tu vois, nous, il n'y a pas de drapeau en région Val-de-Loire. Tu vois. Non. Non, on a un emblème. Oui, Martin. Tu disais quoi, Martin? Je disais qu'il y avait une concurrence entre les Bretons et les Algériens. Non mais exactement, mais la vous violence. Êtes fiers de vos drapeaux et Non mais le pire c'est pas les drapeaux, c'est les Alès Braise à l'arrière des voitures. Je trouve que l'ambiance. Les bigouden. Quand t'es derrière un breton, tu vois rien parce qu'il y a le drapeau qui te bloque la vue. Et les Bretons, vous aimez beaucoup aller dans les festivals. Tu le sais, tu le sais quand tu suis une voiture bretonne parce qu'elle a plein d'autocollants derrière. Tu le sais que c'est un breton. Forcément, il y a les noires et blanches la voiture. Tu sais, non, il y a les bigouden, là, les meufs avec leurs trucs, leurs coiffes. Il y a ça, c'est toujours. C'est ça. Bon, sinon, il y a l'île de Molène qui est pas mal aussi à visiter. Bon, elle fait qu'un kilomètre, mais on s'amuse quand même. Et puis, les fameuses côtes de granit rose qui s'appellent comme ça parce que c'est du granit. C'est super joli et c'est super solide aussi. D'ailleurs, ils en font des maisons qui peuvent durer 800 ans. Mais en principe, elle s'écroule avant parce que les falaises s'effondrent. C'est dommage. Mais les maisons sont super solides en elles-mêmes. Voilà. Et puis, on peut se la péter d'être le plus à l'ouest possible quand on est à la pointe du Raz. Il n'y a même pas de Raz, mais c'est normal parce que ça s'écrit R-A-Z comme Raz de Marais. Parce qu'il y a de la mer. Donc, c'est l'endroit le plus à l'est de France, je crois. Il y a ta mer sur la... Non, mais il y a la mer. Ma mère n'est pas en Bretagne. Et puis en Bretagne aussi, il y a la forêt de Brocéliande, avec Camelot, l'épée magique, tout, ah ça, oui. tout ça. Il y a la réserve Menhir d'Obélix qui les a déposés là quand le cours du Menhir a sombré. A chuté. Voilà. Et puis il y a des villages sympas, il y a des villages médiévaux, il y a plein d'îles où les gens parlent une langue qui est marrante. Et c'est sympa parce qu'en plus, on capte la radio anglaise. Il y a Guernesey pas loin. Pour aller en Bretagne. Il y a Guernesey pas loin. Il y a Guernesey, exactement, ouais. Voilà. Bon, bah, par contre, si vous allez en Bretagne, sortez couvert, c'est important parce que sinon on est trempé. Non, il pleut que sur les cons. Oui, pareil. Il y a plus sur moi. Quand j'ai su. Non mais bon, c'est vrai qu'il pleut souvent, mais on les aime bien, on aime bien la Bretagne et c'est pour ça que c'est si joli et si sauvage comme région. C'est pour ça que je l'ai placé numéro 1 de mon top. Voilà. Soit. Martin, 5 endroits que tu aimerais visiter dans 3 minutes, même 2 minutes 44, le temps qu'on écoute le titre dédié à la première fille d'Anafri qui s'appelle Zoé. Et Anafri qu'on écoute tout de suite sur Indestar dans cette émission à la maison. Ouais, par contre c'était 2 minutes 48. L'émission à la maison, c'est sur Indestar. Bienvenue chez vous. Alors, on est sur 2 minutes 44 ou 2 minutes 48, les enfants? Vous 48, avez 48 Indestar, cette émission à la maison du lundi soir, avec de la musique, bien sûr, en découverte, on a pris un instant avec Zoé. Et maintenant, les endroits que vous allez pouvoir découvrir en même temps que Martin quand il ira, parce que c'est 5 endroits que Martin a envie d'aller dans cette émission. On parle d'endroits à découvrir en France, si ça n'est pas déjà fait. Martin, je te laisse la parole. Je te remercie, Théo. À vous le studio. Bon, par contre, oui, je préfère le dire, vu que j'y suis jamais allé, je vais pas pouvoir vous en parler en détail. Ouais, peut-être que c'est de la merde, mais on aime bien quand même. C'est possible. Mais peut-être que mes collègues y sont allés et pourront en parler, eux. Nope. Et sinon, okay. si vous voulez, vous pouvez regarder sur Google Images en même temps, comme je faisais tout à l'heure. Ouais, bah oui. Si ça vous plaît, vous me dites. Non, mais on va compter sur Teddy pour nous faire le rapport des lieux que tu vas partager, parce qu'il y a forcément été. Ouais. Si c'est okay, La Rochelle ou l'île de Léron. L'île de quoi? L'île de Léron ou La Rochelle, c'est bon. Sinon, ouais, ça va être compliqué. Ouais. Et malheureusement, ils n'y sont pas. Ah non, pas là. Non, en premier, j'ai mis les sentiers de Ocre dans le Roussillon. Ah oui, je connais. Ah, ça vous parle? J'ai pas fait le sentier, mais par contre, il y a le village qui est à côté. Il fallait marcher assez rapidement. Et c'est marrant parce que tout est en ocre, enfin de couleur. Ouais. C'est le sentier, c'est d'anciennes carrières d'ocre. Donc l'ocre, c'est une roche argileuse, ouais, qui contient des pigments minéraux. Donc il y en a trois. Il y a de l'ocre rouge, du brun et du jaune. Et du coup, ça fait des variances de couleurs entre ces trois couleurs là. Donc ça a un teint un peu pastel, donc qui varie du rouge au jaune. Mmh. Et je trouve ça super joli. Ça ressemble un peu à des canyons. Et en plus, c'est un pigment qui est utilisé depuis la préhistoire et qu'on utilise encore aujourd'hui, car c'est complètement, c'est pas toxique du tout. Tu peux le manger. Si vous regardez sur internet, c'est vraiment très joli. Alors, manger de la terre, non, mais c'est pas toxique. Mais c'est très dépaysant, en fait. Alors, c'est pas immense, c'est-à-dire que vous faites ça dans une demi-journée, suffit, hein. Mais c'est très dépaysant, parce que quand tu es dans ce village et puisque le sentier qu'il y a autour, t'as l'impression d'être dans un décor un peu lunaire, quoi, parce que tout est de couleur ocre. En fait, t'as l'impression qu'on t'a mis un filtre devant les yeux, un filtre couleur, et tout est de couleur ocre, donc c'est plutôt cool. Ma foi. Voilà. Okay. Ensuite, t'en as parlé juste avant, c'est les gorges du Verdon que j'aimerais bien aller voir, dans la région PACA. Région PACA, au Provence, Poco Ptah d'Azur. Peu cher. Les gorges du Verdon qui sont super jolies à voir. Par contre, il y a un inconvénient si vous y allez l'été, c'est qu'il y a énormément de touristes. Parce que les routes sont petites, les endroits en fait sont assez petits et ouais, c'est envahi par les touristes. Mais qu'est-ce que c'est beau! Oh, et tu fais du kayak! Et oui, c'est trop bien! Alors par contre, évitez de. Enfin, prenez votre carte solaire si vous faites du kayak, parce que j'ai une mauvaise expérience avec ça et j'ai failli tomber dans les pommes après, donc voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, parce que Théo, il va faire des trucs dehors alors qu'il a jamais sorti de sa vie dehors, et après on le met sur un kayak en plein soleil et il prend même pas ni crème solaire, ni de chapeau, ni d'eau, et il tombe dans les pommes comme une insolation MDR. Et c'est ça, c'est-à-dire que quand tu fais du kayak dans les gorges du Verdon, donc t'as l'eau. Bon, pour choper des coups de soleil, il y a la réverbération de l'eau, et puis en fait, quand tu fais du kayak, il fait 30 degrés, tu vois. Exactement, tu fais ça l'été et au milieu des gorges, donc ça se reflète en plus sur les gorges, etc. Ce qui fait que, je parlais de ma meilleure amie tout à l'heure, mais elle a un avantage, c'est qu'elle est métisse, donc elle a pas chopé de coups de soleil. Alors que moi, je me suis dit, ça va, et puis non, ça n'allait pas du tout. C'est-à-dire que j'étais peau rouge à la fin de la balade. Le troisième truc, c'est un peu dégradant, mais la troisième destination que j'aimerais beaucoup aller voir, c'est le gouffre de Padirac. Oh, dans le Lot. C'est incroyable. N'est-ce pas? C'est trop bien. Ça a l'air ouf. De ouf. C'est ouf. Pour ceux qui connaissent pas le gouffre de Padirac, c'est une cavité naturelle de 30 mètres de diamètre à peu près, mais qui fait 100 mètres de profondeur. Et ça donne sur une rivière souterraine qui fait plus de 55 km de long. Donc du coup, pour y accéder, ils ont construit un escalier 1998. Ouais. Aujourd'hui, on peut y aller en ascenseur, je vous rassure. Ah, mais attends. J'ai une question. J'ai pas été jusqu'à maintenant. Parce que à cause de ça, et en fait maintenant je me dis ok c'est bon, je vais y aller. J'ai une petite question. Ils vont faire un ascenseur. Ça se situe où en France ça exactement? Parce que j'ai déjà été dans une rivière souterraine, mais je sais pas où. Tu sais pas où? Mais si on te dit, ça va pas t'arranger, non? Eh ben ouais, mais c'était dans le milieu de la France, en bas, dans le milieu sud. Je te dis, dans le milieu sud. Je crois. Je suis pas sûr. Le milieu sud. Bah, tu vois, c'est au centre de la France, mais tu descends vers le sud. C'est oui, voilà. Ouais, je sais pas. C'est dans la région d'Écosse, le gouffre de Padirac. J'en sais rien. Dans la forêt d'Écosse. Mais c'est la forêt d'Écosse? C'est dans la forêt d'Écosse. Oui, non, oui, mais c'est où la forêt? Ah, c'est en dessous de Brive-la-Gaillarde. C'est où? Ah, mais. On refait plein. Voilà, on peut y aller. Ok. Soit. Mais si c'est la même chose que j'ai fait que Martin veut faire, c'est vrai que c'est génial. Descendre une rivière en petit bateau, là, où des fois tu dois te pencher de ton bateau parce que sinon tu passes pas sous la pierre, bah c'est cool. Ouais. Bah, y a moyen que ce soit ça. Hein. Y a moyen. Y en a qui sont décapités pour ça, mais ouais, c'était ça. Ouais. Ouais, je pense pas, je sais pas. Donc voilà, ça vraiment, ça m'intéresse énormément. Et sinon, il y a la dune du Pila, qui est une Gironde à l'entrée du bassin d'Arcachon. Ma famille, ils sont allés le faire il y a 2-3 ans, mais moi j'étais pas là. Chez. Et ils m'avaient raconté, ça avait l'air d'être assez marrant. Bah, donc, c'est marrant. Alors, en plus, il faut en profiter de la dune du Pila quand même, parce que, comme beaucoup de sites malheureusement, mais la dune a tendance à s'affaisser un petit peu avec le temps. Le sable a tendance à s'affaisser. Donc, tous les ans, on perd quelques mètres en fait sur la dune du Pila. Alors, ça se voit pas vraiment, mais. C'est qu'elle se déplace, elle a tendance à recouvrir qu'est-ce que j'ai noté? Pardon. Le massif forestier. Ouais. Elle a tendance à recouvrir le massif forestier qu'il y a juste derrière. Mmh. Et elle avance quand même de 5 mètres par an. Donc c'est pas rien, ça bouge. C'est ça. Et faut pas qu'on sorte à barrer par là-bas. Comme tout le monde, j'ai envie de dégringoler de tout en haut et de mettre du sable plein la bouche, quoi. Je suis pas sûr que ce soit le kiff de tout le monde. Non, bah écoute, c'est le kiff de Martin. Oui. Donc, manger du sable. No king shame. Okay. Le petit tip, c'est que effectivement la dune du Pila, c'est comme les gorges du Verdon, c'est très touristique. Donc, si vous voulez profiter de la vue et du paysage un peu magnifique qu'il y a quand on est en haut de la dune du Pila, l'idée, c'est d'y aller très tôt le matin, par exemple, au lever du jour, ou profiter de la dune du Pila. Et là, vous avez. Et tu crois que toutes les Instagrammeurs, ils sont pas là? Non, bah il y a peut-être des Instagrammeurs. Mais tu les pousses de la falaise. De leur téléphone, ça va les occuper un instant. Mais non, mais c'est vrai que le matin, ça vaut vraiment le coup parce que tu prends vraiment conscience du côté sauvage et grandiose en fait de la dune du Pila, qui est quand même une dune immense. Quand c'est rempli de touristes, t'as l'impression d'être sur la plage en été, quoi. C'est Pilate avec un T. Genre comme la danse, enfin non pas c'est le sport. Ouais, le pseudo sport. Non, hein, mais... non, c'est le Pila. Parce qu'en gros Pila. ils font ouais d'accord, ils font pas de Pilates là-haut, non. Non du tout, non. C'est plus le mec qui est en voiture et puis il voit une dune, pouf, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe dedans. Non, je sais pas. C'est des blagues si nulles. Oui, je sais. Sinon, au secours, Martin. Oui, j'arrive tout de suite. Et la dernière, c'est les calanques de Cassis. Donc, j'ai choisi celle-là, mais ça peut être toutes les autres calanques. Mmh. Donc, c'est dans les Bouches du Rhône, aux alentours de Marseille. Marseille. Et, ça ressemble un peu aux Gorges du Verdon, sauf que c'est avec la mer. Et puis, forcément, c'est pas un fleuve long. Mmh. Mais pour se poser une après-midi, ça a l'air super sympa. J'étais un peu déçu personnellement, j'ai fait, alors il y en a plusieurs des calanques, et j'en ai fait une, parce que si vous me connaissez pas, je suis un fainéant en termes de randonnée, c'est-à-dire qu'il faut pas que ça dure plus de 1 km. Non, si vous connaissez pas Théo, il va même pas à la boulange qui est à côté de chez lui à 500 mètres, à pied. Même pas à 150 mètres. Il sort en voiture, non mais c'est abusé. Ah, c'est abusé. Je marche un peu plus, mais j'avoue que si je peux éviter de marcher, ça le fait. Donc j'avais été dans une calanque où tu pouvais stationner en voiture pas loin. Et j'avais été plutôt déçu de l'environnement. Certes, t'avais la calanque, c'est joli une calanque avec la mer qui se jette sous les rochers, etc. Mais à côté, t'avais une espèce de vieille usine désaffectée avec des tags, c'était pas ouf. Mais par contre, voilà, si vous voulez voir une belle calanque, à mon avis, faut randonner. Faut faire quelques kilomètres de randonnée pour arriver dans un coin un peu plus sauvage. Parce que sinon, encore une fois, c'est le sud de la France, c'est près de Marseille, il y a des touristes. Et en plus, quand vous avez une usine désaffectée à côté, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sauvage. Voilà. Ma foi. C'était mon petit conseil. D'accord, bah très bien. Coup de gueule. Je note. Simplement que les calanques sont réputées pour être très belles et que j'ai pas forcément vu la bonne. Ma foi. Ok. Et donc, bah voilà, si y a des auditeurs ou certains de l'équipe qui sont intéressés pour aller voir tout ça, et bah envoyez-moi un petit message et puis on s'organise un petit week-end. Voilà. C'est une invite. On part quand tu veux. Alors, si tu veux, moi j'ai des trucs à découvrir dans le Pays Basque aussi. Voilà. Ah, bah voilà, le Pays Basque, on en a parlé tout à l'heure. Mais quoi par exemple, Audrey? Ah, non, mais moi c'est pour aller faire des trucs de type travail en bas. Mais de toute façon, le Pays Basque, c'est très beau. On y mange très bien. Ouais. Vive les Basques. Alléluia. Et voilà, c'était tout. Basque, j'adore le gâteau basque. Voilà. Avec la confiture de cerise. Miam, miam, miam. Exactement. Laura, on va parler de logements insolites pour les vacances ou pour la vie? Oh, bah c'est plutôt pour les vacances, hein, je dirais. D'accord. Allez, c'est vraiment, on achète la maison ou d'autres logements insolites. On vous réserve la surprise. On va écouter Bleu tout court avec le hublot. Pourquoi pas une barque d'ailleurs, ou un bateau, et on revient avec le sujet de Laura dans cette émission spéciale région française qui valent le coup et où on mange du bon miam miam. A tout de suite. Parce qu'on est con ou confiné, l'émission à la maison, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. 23h minimum pour cette émission à la maison du lundi soir, où l'on parle de, par exemple, de logements, alors on va pas dire ça, d'hébergements qui sont un petit peu originaux et on aurait envie de s'évader justement pendant les vacances, parce que c'est le thème de la soirée, quelques vacances en France, bien chez nous, avec des paysages et des monuments qui sont peut-être à deux pas de chez nous, mais qu'on a oublié l'existence, où on se dit que, bah oui, mais on part à Ibiza l'été, et que finalement, on n'a pas forcément besoin d'aller les visiter, et pourtant. Et donc, quand on est quelque part, comme ça, en France, on a besoin de trouver un hébergement, et c'est là qu'intervient Laura, c'est à ce moment précis. Et oui, c'est moi. La petite fée arrive pour vous aider à choisir les Airbnb. Exactement. Bonsoir. Alors en plus non, c'est pas sur Airbnb les choses que je vais vous proposer, c'est des choses que j'ai expérimentées en plus. Ouais. Alors vous allez avoir mon avis, les plus, les moins, les destinations assez insolites. C'est avec moi tout de suite. Jingle. Non, il y a pas de jingle. Si tu veux, j'ai une jingle Teddy, mais bon, c'est pas. Voilà, quoi. Non, ça n'a rien à voir. C'est pragmatique, mais là, du coup, ça n'ira pas. Ah non, non, c'est pas une blague. Enfin, c'est pragmatique, mais c'est pas une blague. Enfin, bref. Alors, en fait, j'ai découvert les hébergements insolites un peu par hasard. C'était il y a maintenant 5 ans, même plus. Je ne sais plus. J'oublie la notion du temps. C'était, en fait, j'avais fait une interview en Sarthe d'un couple qui avait commencé à monter ses hébergements insolites, voilà. Et ouais. Donc, ils avaient une yourte, mais aussi une cabane sur l'eau. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette cabane sur l'eau. Et avec mon copain de l'époque, parce que c'est plus le même, spoiler, oh là là, gossip, quoi. Elle a eu plusieurs copains. Oh mon dieu! Ah mon dieu, c'est pas possible! Bah si, c'est possible, je sais. Bref, c'était une cabane. C'est prévu comme ça dans le règlement. De quoi? Non, non, je dis tu switches tous les 5 ans, c'est normal. Il y a la date de péremption après. Oh non, c'est pas gentil. J'ai jamais tenu 5 ans encore, hein, donc j'espère qu'il n'y a pas une date de péremption pour de vrai. Hein. Mais non, t'inquiète pas. Non, en fait, c'est un endroit qui s'appelle la Cabanerie. Et ça se situe à La Flèche, en Sarthe. Donc La Flèche, pour ceux qui connaissent, il y a le zoo. Pas loin. Ouais. C'est un super zoo, donc ça, la cabanerie, oh, c'est super. Génial parce que c'est vraiment à 10 minutes en voiture, même pas, du zoo de la Flèche. Pour ceux qui n'y sont pas allés, c'est vraiment un truc à faire. Et donc cette cabane sur l'eau, elle est assez géniale parce que en fait, la cabane, elle est vraiment au milieu d'un petit étang. Et donc pour y accéder, on prend sa petite barque. on pagaie un petit peu sur le petit étang et hop, on a la petite cabane en bois. En plus, avec une petite terrasse aménagée, avec tout est petit. Hein. Donc je vais dire beaucoup petit plusieurs fois. Avec une petite table, une petite chaise, des petites chaises. À l'intérieur, il y a un lit avec un petit canapé en bois et il y a des toilettes sèches. Ouais, des petites sèches. Je crois avoir vu un reportage justement sur ces petites cabanes sur l'eau. Et ça a l'air très sympa. C'est chiant quand tu dois aller chercher les croissants le matin. Et très romantique. Mais justement, les croissants du matin, ils viennent. Ah, ils viennent à toi ? Ah ouais, c'est chaud. Ils viennent à toi. C'est les propriétaires de la cabanerie. En fait, il y avait le monsieur qui nous demandait demain matin à quelle heure vous voulez votre petit déjeuner. Donc, on indique l'heure souhaitée. Et en fait, il vient avec sa barque sur... Enfin, devant notre terrasse, et du coup, il nous tend le panier et on prend le panier pour prendre le petit déjeuner dehors. En plus, c'était en plein été, il faisait bon, il faisait ni trop chaud ni trop froid. Tu te réveilles, tu prends ton petit déjeuner sur la terrasse. T'es pas emmerdé par les voisins. Ah ouais, c'est ça, c'était que des produits locaux en plus. Enfin, c'était le pain du boulanger du coin, avec les croissants du coin, avec la confiture faite maison. Enfin, il y avait tout ce truc-là très local. Les canapés pour pêcher le poisson. Pressé sur place. Enfin, bref. T'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour bien démarrer la journée. Donc, c'est vraiment les plus, en fait. Il y a le dépaysement, il y a le zoo pas loin. Il y a aussi des animaux sur place dans le domaine. Donc, en fait, il y a des petites brebis, il me semble, enfin des moutons. Il y a un chien qui se balade. Dans l'eau, dans l'eau. Les moutons, les fameux moutons d'eau. Très connus. Non, mais ils se baladent, en fait, parce que c'est vraiment le... Le lac, le petit étang est encerclé un petit peu de forêt et il y a la moitié c'est encerclé de forêt et l'autre moitié c'est encerclé de champs et du coup dans la prairie il y a des petites meumeux, des petits bébés qui broutent, qui sont bien sympathiques. Il y a un petit chien qui se promène aussi et aussi il y a une piscine. Une piscine ouverte à tous. Par contre, le moins, c'est la salle de bain qui est partagée et qui est à côté de cette piscine-là. Enfin, c'est en intérieur, c'est pas en extérieur, mais voilà, il manquerait juste ça dans la cabane pour être bien. Mais je trouve que c'est un côté dépaysant et gros avantage des toilettes sèches, franchement. Au début, on se dit, non, mais attends, les toilettes, elles sont vraiment à un mètre du lit. Enfin, il y avait une cloison, mais je me disais, mais ça va sentir, ça va puer, et que dalle. Je vous le dis, tu fais pipi, tu fais caca dans des toilettes sèches, ça ne sent rien, on n'entend rien. Tu peux faire ton gros caca du matin à côté de ton cum, et il n'entendra rien, il ne sentira rien. Voilà. Peut-être qu'il avait entendu et ça... C'est ça non. N'importe quoi. On s'est séparés ensuite. Suite ça, bizarrement. Non, rien à voir, mais franchement, c'est génial. Je rêverais d'avoir des toilettes sèches juste pour ça. Pour faire caca à côté des gens. C'est ça, pour faire caca à côté des gens sans qu'ils sortent la parole. Mais non, il y a toujours la gêne, tu sais, quand t'es pas chez toi et que tu vas chez des gens et t'as un, mais comment je fais pour que mon caca, il s'entende pas? Donc, du coup, tu mets au fond de la cuvette le PQ. Enfin, bref, c'est une galère. Il y a des techniques spéciales. Je savais pas qu'il y avait des techniques. Je savais pas. Non, mais c'est vrai, tu l'as seule. D'accord. Ah ouais, non, je savais pas. Oui. Moi, quand je dois faire caca, je fais caca. Hein. Des os. Bah, d'accord. Bah, ouais. Je suis un peu déçu par vous. Je me dis, oh putain, je pensais être. Ils étaient sophistiqués, les gens. Bien. Ouais. Mais en tout cas, je te rejoins dans cette cabane. Je rejoins pas dans les toilettes, mon frère. Non, mais dans cette cabane que j'ai vue dans le reportage, et effectivement, ça avait l'air très dépaysant, très calme. Et l'intérieur est tout en bois. Et c'est chouette, quoi. Il y a le confort minimum, mais en même temps, il y a ce qu'il faut pour passer des bonnes vacances, quoi. Un bon petit séjour. Oh, et puis si c'est un petit week-end tranquille. Je veux dire, que ce soit en couple ou entre amis, c'est vraiment l'endroit où tu poses tes affaires et t'es tranquille sur la petite terrasse. Après, autour, il y a le zoo, comme je disais, mais sinon, il y a du côté de la Flèche, il y a des parcours de vélo qui sont très très sympas à faire. J'ai déjà fait. De quoi? C'est des parcours fléchés. Le bide. Vu que je viens de la Sarthe à la base, genre je suis tellement plus habituée à ce genre de blague, tu vois. Ah, c'est quoi cette violence? C'est comme à la base, la petite ville. La petite ville d'où je viens s'appelle Changé. Et du coup, t'as changé d'air. Évidemment. Voilà, toute cette blague-là. Donc, nous, par chez nous, il y a Bourré, par exemple, si vous reconnaissez. Ah bon? Puis, le Boulet, c'est là d'où il y a Théo. Exactement, merci, Audrey. Ouais. Donc voilà, en premier, mon premier coup de cœur hébergement insolite, c'est la cabanerie à la flèche. Donc tapez sur votre moteur de recherche préféré pour avoir des réservations, tout ça, tout ça. Ensuite... c'était avec mon chéri actuel. Wouh, gossip, elle est toujours avec. Ouais. Il n'est pas encore périmé, celui-là. Ça va bien se passer. Non, il n'est pas périmé, il n'est pas périmé encore. Oh non, il sera jamais périmé, celui-là. Oh, bébou. Ah, il n'a pas une DLC, il a une DLUO, lui. Cette émission est en podcast, donc on peut la réécouter dans 4 ans. Oh non. Donc, c'est le parc à bout sur l'île de Groix, dans le Morbihan. Tu parlais de la Bretagne tout à l'heure, Théo, et bah justement, on est en plein dedans. L'île de Groix, c'est une île qui se situe à quelques kilomètres seulement de la côte lorientaise, et franchement, c'est encore plus dépaysant, parce qu'en fait, c'est au milieu de l'île, il y a un petit village, vraiment tout petit, et vraiment tout autour, c'est de la nature. Sur la côte est, c'est beaucoup plus des étendues de plage. Sur la côte ouest de l'île, et au sud, c'est des étendues plutôt sauvages. C'est avec les grosses falaises de pierre, avec les grosses vagues, s'il y a du vent qui se déchire dessus. Enfin, c'est génial, en fait. C'est vraiment un endroit très dépaysant. Et au milieu de ça, il y a le parc à bout. Et dans ce parc à bout, il y a des bulles suspendues par des filets dans les arbres. Ah, alors ça, ça a l'air très cool, mais le nom est très moche. Le parc à bout ? Ah ouais, non, c'est parc à bout, c'est moche. C'est moche. Tu dirais à bout. Mais oui. La mauvaise prononciation anglaise. Mais c'est ça. Park about. Yeah. Le parc à bout. Park about. Yeah. Ah, non, parc à bout. Ok. Alors Teddy, tu te calmes. Est-ce que t'as un meilleur prénom que parc à bout? Bah, j'ai pas parc des bulles volantes, par exemple. Tu vois, même ça, c'est peut-être bidon, mais ça passe mieux que parc à bout. Bah, je sais pas, moi, t'as qu'à leur poser la question. On ira méditer ça avec eux plus tard. Dans ces bulles, tu ne dors pas dans ces bulles quand même? Bah, si. Si, en fait, c'est une bulle qui est suspendue dans un filet dans les arbres, comme je disais. Mm-hmm. Et en fait, le matelas, il est aussi rond, en fait. C'est un gros matelas rond qui est dans la bulle. Et pour accéder à cette bulle, bah, en fait, tu grimpes sur les filets. Donc ça peut être un peu laborieux parfois. Ouais. le moins que je dirais à ça, c'est que, en fait, du coup, bah, t'as ta bulle, mais t'as les sanitaires un peu plus loin, enfin, un peu esprit camping, en fait. Ouais. Mais du coup, pour te déplacer dans la nuit, c'est un peu plus compliqué. Ah bah, quoi, tu pisses d'en haut. C'est en plein milieu des pinèdes, en fait. Les bulles sont dans les pinèdes, mais par contre, c'est génial d'être un peu en hauteur, d'avoir l'impression de jouer au petit singe, en fait, dans les filets. Et le gros plus, c'est qu'en fait, le parc à bout, il y a ces hébergements, mais ils ont un côté aussi jeu. Et donc, en fait, c'est des énormes filets entre les arbres, et en fait, tu te balades entre les filets, tu peux même te faire un foot dans les filets. Enfin, c'est très marrant à faire. Faut pas avoir peur du vertige, par contre, hein. Ouais. Faut pas avoir peur des hauteurs, parce que ça peut être un peu plus compliqué. Mmh. Mais franchement, le plus du parc à bout, bah, c'est l'île. Franchement, il y a énormément de choses à faire sur l'île de Groix. Il y a l'accès aux filets, comme je disais, au parc. Il y a aussi des pizzas sur place. Voilà, donc au lieu d'aller au village, et bah, vous pouvez rester sur place, et il y a des pizzas qui sont faites sur place, donc ça c'est vraiment très arrangeant. Et voilà, donc par cas d'autre, si vous voulez vous envoyer en l'air, c'est possible. Petite précision sur les bulles, parce que je trouve ça super bien, mais déjà les bulles, elles sont faites en quoi comme matière? Bah, en fait, c'est un peu la même matière que tu retrouves sur les tentes, finalement. Tout le contour, c'est de forme sphérique, mais c'est comme si t'étais sous une tente. Mais c'est une tente quechua spéciale. Voilà, mais c'est vraiment très bien aménagé. Enfin, c'est très rudimentaire. Hein. Il y a juste le gros matelas rond, des petites poches sur les côtés pour mettre des affaires. Ouais. Mais voilà, ça fait un peu esprit tente, effectivement. Même l'endroit, enfin, je veux dire, c'est sous les pinèdes, il y a les sanitaires type camping. Enfin, voilà, c'est pas forcément... De quoi ? Je dis, ça bouge pas avec le vent ? Non, pas du tout. Non, non, c'est quand même quelque chose d'assez mastoc. Hein. C'est pas non plus la petite tente. C'est quelque chose qui est bien installé sur le filet. Par contre, si tu bouges sur le filet, ça va faire bouger un peu. Mais c'est pas le vent en soi qui va faire bouger ou qui va faire rouler la boule. T'imagines en pleine nuit, genre t'as un coup. Wouhou de... Et là, c'est parti pour la machine à vomi. Ah, mais c'est la question que je pose parce que moi qui suis assez sensible à ça, tu vois, un peu genre type mal de mer, quoi. Non, tu ressens vraiment pas ça. Après, ça peut être le vertige pour certains, mais il y a différentes hauteurs, donc c'est minimum à 5 mètres et ça peut monter jusqu'à 10 mètres. Donc, après, pour ceux qui aiment pas trop les hauteurs, c'est plutôt 5 mètres, mais je pense que. Vous avez la boule à 5 cm, s'il vous plaît, parce que j'ai le vertige. Et c'est une boule au sol, voilà, c'est plus une boule dans les arbres. c'est une tente. C'est une tente par terre. Finalement, c'est une tente, ouais. Voilà, donc ça, c'est sur l'île de Groix, parc à Bout. Hein, n'en déplaise à certains du nom, d'accord. Ok. Voilà. Je me tais. Le dernier hébergement insolite que j'ai fait, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était au mois d'octobre. Mon meilleur ami. Alors, attention, c'est pas mon copain, c'est mon meilleur ami qui m'emmenait. Oh là là. En fait, j'ai fait chaque endroit avec quelqu'un de différent quand même. Je profite de la vie, hein, je suis comme ça. C'est une bulle cette fois-ci, mais par terre, et c'est une bulle à ciel ouvert, ce qui permet de voir les étoiles. Et nous avions été à Saint-André-sur-Sèvre, dans les Deux-Sèvres, évidemment. Tout le monde connaît. Non, je ne connaissais absolument pas ce patelin. Genre, mais où est-ce qu'il m'emmène ? Parce que c'était vraiment la surprise du chef. Mon meilleur ami m'a dit non, mais tu fais quoi de telle date à telle date ? Je fais rien. Écoute, tu viens avec moi, je t'emmène quelque part. Allez, surprise. On va dans les Deux-Sèvres. C'est parti. Non, on se dit tous ça. Mais il connaissait lui ou c'était une découverte aussi pour lui ? Ah oui, c'était une découverte aussi pour lui. En fait. En gros, la bulle est au sol cette fois-ci et il y a toute une partie au-dessus du lit et en face du lit qui est transparente. Et du coup, c'est génial. Enfin, dommage parce qu'au mois d'octobre, c'était une période où il faisait pas si clair que ça, donc le ciel n'était pas dégagé pour la nuit. Mais par contre, c'est assez impressionnant d'être dans ton lit. Et en fait, quand tu regardes au-dessus de toi, en plus, c'était vraiment en pleine campagne, hein, donc il n'y a pas de pollution lumineuse comme on peut avoir en ville, par exemple. Même si tu voyais pas les étoiles, c'était ce sentiment d'être dehors, mais sans les inconvénients. Enfin, même à un moment donné, il a plu. Bah, t'entends les petites gouttes tomber sur la bulle, mais ça ne t'atteint pas. Enfin, tu es dans ton confort, tu es dans ton cocon. C'est très, très reposant. C'est un Velux, quoi. Non, franchement, ça fait pas le même bruit qu'un Velux. De la pluie sur un Velux, c'est très, très chiant. J'avais trop envie de dire comme si t'étais au volant de ta bagnole et qu'il pleut des cordes, mais bon, le Velux, c'est pas mal aussi, hein. J'aimais bien l'histoire de redescendre sur Terre, tout ça, c'est comme si t'avais l'air. Grave, non mais vous gâchez mon expérience quoi. Comme le toit ouvrant du Scénic. Mais il y a des beaux Vélux maintenant, attention. Ça fait comme si une petite pluie tombait. Mm-hmm. Cette sensation aussi, enfin. Être allongé et de se dire waouh, j'ai l'impression d'être dehors, mais je suis bien au chaud parce que gros point génial, c'est que le matelas était chauffant. Oh, trop bien. Quel bonheur. Mais franchement, tu voulais plus sortir du lit. Hein. Mais quand t'as chaud, après, tu fais comment ? Après, t'as pas chaud. Parce que du coup, il y avait juste un chauffage d'appoint, sinon, dans cette chambre-là. Donc, petit bémol quand c'est un peu proche de l'hiver. Mais vu que le matelas était chauffant, en fait, t'étais juste bien. Quoi. C'était pas chaleur ou comme en été ou t'en peux plus. Au mois d'octobre, ça devait être quand même la fin de saison. En mois de décembre ou janvier, ils doivent pas ouvrir. Ouais. Non, je crois pas, non, je pense pas. Mais en tout cas, c'était génial. Tu voulais plus sortir du lit, après, t'étais trop bien dedans. Et surtout, gros point positif aussi, c'est qu'il y avait les sanitaires et la douche aussi dans une partie de la bulle. Donc ça, c'est très, très confortable. Enfin, surtout, c'était... sèche. Et non. Ah, déception, je peux pas faire caca tranquille. Je mettais la musique, hein. Voilà, j'ai d'autres techniques, si vous voulez retrouver toutes mes techniques sur techniquesdecaca.com. Alors ça sera lundi prochain. Lundi prochain, on parle des techniques pour faire caca silencieusement. Bye Laura. Non, mais par contre, vraiment la sensation géniale en fait, parce que c'était comme si c'était une autre pièce dans cette grosse bulle. Et en gros, j'allais dans la salle de bain pour me brosser les dents et tout. J'éteins la lumière et je re-rentre dans le côté chambre. Et là, t'as l'impression de sortir dehors. Enfin, c'est vraiment une sensation. Euh, assez particulière et je pense que ça va être très très très très chouette à faire durant l'été quand vraiment le ciel est dégagé, que tu peux voir les étoiles, surtout celle qui nous hébergeait en fait. Elle nous a donné aussi un bouquin sur les astres et tout. Enfin, si on voulait s'intéresser, en été, on peut voir cet astre-là, enfin, dans notre horizon. Et des constellations, ça devait être chouette. Exactement, exactement. Et c'est un endroit où l'intimité est respectée parce qu'on peut se dire, bah, attends, c'est une bulle transparente, mais les gens, ils nous voient. Mais non, en fait, vraiment, en face de nous, il n'y a rien. Enfin, pareil, il y a des champs, il y a des petits animaux qui broutent. Franchement, c'est très tranquille. Et les animaux, alors, les animaux voient, hein. C'est vrai, il y avait les petites poules qui passaient. En plus, on les entendait le matin. Ouais, j'adore. Trop mignonne. Je kiffe. Non, c'est très très sympa. Donc, franchement, les plus de ce logement, c'est l'intimité qui est respectée, l'immersion comme si on était dehors. Il y a des super petits déjeuners aussi inclus, pareil, avec des pâtisseries du coin, jus d'orange pressé maison, enfin vraiment la totale géniale. Et aussi, c'est très proche du Puy du Fou, donc à ce moment-là, c'était fermé malheureusement pour nous. Mais c'est pour ceux qui ont envie de profiter du Puy du Fou et en même temps d'avoir un hébergement insolite, c'est l'idéal. Par contre, comme je le disais, il faut s'assurer qu'il fasse beau pour regarder mieux les étoiles. Et dans le coin, pour être sincère, à part le Puy du Fou, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a des petits villages sympas, des petites randonnées à faire, mais ça s'arrête là. Des petits châteaux aussi, il y en a pour ceux que ça intéresse, mais ce n'est pas l'endroit le plus touristique qui existe, disons. Mais les gens sont très sympas et il y a des petits restos super aussi à dénicher que l'hébergeuse aussi conseille. Donc franchement, allez-y les yeux fermés sur ces trois trucs. Donc la cabanerie à la Flèche en Sarthe, Parc à Bout sur l'île de Groix dans le Morbihan et les Bulles d'eau à Saint-André-sur-Sèvre de Sèvres. Voilà. Très bien. Et pour appuyer ce que tu nous dis là, je trouve qu'en fait toutes ces initiatives qui sont souvent des initiatives de personnes qui se disent bah tiens, on aimerait bien proposer autre chose et des fois dans des régions comme tu disais pour la dernière hein, où il n'y a pas forcément grand chose à faire autour et je salue en fait ce genre d'initiative de se creuser un petit peu la tête plutôt que de faire un camping avec mobilhome comme on en voit à peu près partout. Je trouve ça très sympa, innovant. Les logements insolites, ça a une explosion, enfin je veux dire maintenant partout en France, dans chaque département t'as des cabanes, t'as des yourtes, t'as des roulottes, enfin t'as même en Sarthe il y a des tipis aussi. En Sarthe il y a des tipis en mode indien qui même c'est il y a eu plusieurs reportages là-dessus, c'est à Brulon en Sarthe, je suis pas allée mais ça a l'air vraiment très sympa parce qu'ils essaient vraiment de recréer l'ambiance indienne, notamment quand c'est la haute saison, il y a des spectacles, enfin c'est très très varié. Franchement il y a beaucoup de choses à tester partout et au final ça peut être des choses à côté de chez soi aussi hein. Ouais, c'est ce que je pensais exactement. Il y en a une à côté de chez nous en roulotte, je sais pas si vous connaissez. Bah ouais, alors non, pas spécialement le nom, mais oui, en roulotte, ça doit être très sympa. Ouais. Et puis, t'as des fois, tu peux louer la roulotte. Tu loues la roulotte. Ouais, c'est ça. Tu loues la roulotte et tu peux dormir dans ta roulotte et tout. T'as un parc à roulotte. Il y a pas beaucoup des roulottes, t'en as peut-être 3 ou 4. Et tu dors là-dedans, t'es surélevé, ça peut rouler, j'imagine. C'est plutôt cool. Et ça, c'est à côté de chez nous, c'est à Autriche. En général, celles qui sont allouées, tu les bouges pas. Enfin, si, il y en a qui. Je sais pas, j'ai pas demandé. Qui peuvent se déplacer par contre. J'ai pas demandé, mais comme quoi, même à côté de chez nous, des fois tu peux en avoir. Comme a disait Laura, chaque région, chaque ville peut proposer son logement insolite. Salut ces initiatives. Et récemment, moi, un Airbnb, j'ai fait un wagon qui est réaménagé en tiny house. C'était où? Et c'était du côté de Metz, exactement. J'avais une pote. J'avais une pote qui habitait dans un wagon, justement. Ouais. Mais elle, c'est pas Airbnb, elle, c'était sa maison de base. Mais, en fait, tout est en long. Le wagon que j'avais loué était. En fait, c'était une famille à côté qui avait fait des travaux dans une maison. Ouais. Et pendant toute la durée des travaux, qui a duré plusieurs années, ils avaient aménagé ce wagon qui était au fond de leur jardin. Et ils y avaient vécu pendant 2 ans. Donc ils l'avaient entièrement refait pour pouvoir vivre dedans. On peut effectivement vivre dedans. Oh, c'est cool. Au même titre qu'une tiny house, par exemple, enfin, c'était le même genre, hein, mais très sympa parce qu'avec le charme aussi du wagon de d'antan, avec les armatures métalliques, etc. Quoi. Exactement. Voilà, bon, on va faire un petit quiz Village de France pour terminer cette émission. Vous pouvez préparer les feuilles et les stylos et ça va être la compète à la maison. Et ça va être la compète aussi dans l'équipe d'Indestar. En attendant, on écoute Happy Cat Disco sur Indestar. Vivez le confinement avec nous sur Indestar. C'est l'émission à la maison. Et c'est déjà la dernière partie de cette émission de spéciale France, spéciale coin qui valent le coup d'être visité, spéciale coin où on aimerait bien dormir et on n'a pas l'habitude de dormir dans ces coins-là. Et pour terminer, petit quiz sur les villages qui valent le coup. Alors, il y a beaucoup de beaux villages de France, les plus beaux villages de France avec cette fameuse pancarte qui est à l'entrée et qui vous indique que vous êtes dans l'un des plus beaux villages de France. Un quiz qui peut être un petit peu difficile, peut-être pas, je sais pas, on va tester le nouveau. Si on triche ou pas, n'est-ce pas, Martin? Alors, on ne triche pas. Est-ce que j'ai besoin de le rappeler? Est-ce qu'elle a la rancune tenace? Oui, c'est possible. Oui, un petit peu, quoi, je pense. En tout cas, donc, quiz de cette question. Trois propositions de réponses à chaque fois. Je vais demander à chaque fois à chacun d'entre vous ce qu'il a répondu pour compter les points. Ah bah, parce que c'est Teddy qui compte les points ce soir. Bah ouais, c'est enfin, plus comme, simple. Comme d'habitude, quoi, finalement. Quand on se dit. Alors, attention, première question. Le label Plus beau village de France, j'en parlais, est attribué par une association qui a vu le jour en Corrèze. Wow. À Colombes-la-Rouge. Colombes-la-Rouge. Ouais. Quelle est l'origine du nom de ce village? Si vous avez écouté le début de l'émission, vous connaissez la réponse. Et si on l'a écouté mais qu'on sait pas, pardon. Ah ah, et ben tant pis pour vous. Est-ce que c'est à cause du massacre qu'il y a eu pendant la Saint-Barthélemy? Est-ce que c'est à cause du vote communiste depuis 1848? Ou est-ce que c'est à cause des maisons qui ont des murs rouges? Ah, c'est la réponse D. La réponse D. La réponse D, je ne peux pas. La réponse D. Alors. La réponse D. Je vais demander à Teddy. Je m'en doutais. Ah, le bâtard. Oui. Le vicieux. Est-ce que bizarrement. C'est vicieux? Non. Oui. Eh ben, je. Attends. La troisième, là, c'est quoi déjà la troisième réponse? C'était les maisons qui ont des murs rouges. Ah, bah, je vais dire ça. D'accord. Je vais demander à Laura. Je vais dire les maisons rouges. Hein? Martin? Pareil, les maisons ouais, rouges. Ouais, mais ils trichent, ils disent tous pareil que moi. Audrey? Mais non, mais j'allais dire, moi je suis la vague. Hein. Tu suis la troupe? Oui. On va demander à Jolan. Audrey? Non, eh ben non, c'était pas Audrey, ça. Audrey, j'ai une question pour toi. Oui. Tu dis, tu es la vague, mais pas l'océan? Non, je suis la vague. Black pragmatique. Je suis la vague, Laura. Mais. Jingle. Les blagues pragmatiques, c'est pas vraiment des blagues, mais c'est pragmatique. Ok, question numéro 2. Maintenant tout le monde a eu la bonne réponse. Cézanne, Corot, Saro, Van Gogh ont été inspirés par le charme d'un village. Par exemple, Van Gogh a peint 75 toiles en 70 jours, donc il était vachement inspiré. On l'appelle être productif. Mais quel est le nom de ce village? Est-ce qu'il s'agit d'Auvers-sur-Oise, de Saint-Émilion ou de La Roque-sur-Cèze? Waouh. Tagadagadam, tagadagadam, tagadagadam. Auvers-sur-Oise, Saint-Émilion, La Roque-sur-Cèze, Audrey. Oh ouais. La Roque-sur-Cèze, je crois, ouais. Non, Roque-sur-Cèze, et pas sur 17, attention. Laura. Saint-Émilion. Pour toi, ça, c'est pour la vinasse. Saint-Émilion, 1848. je vais demander à Martin. Je me disais bien que ça me disait un truc, donc je pense que j'ai faux. Le vin. Martin, c'est bien. Je vais dire la réponse A, même si je sais plus ce que c'est. Auvers-sur-Oise. C'est, oui, c'est ça. On sent que c'est un connaisseur, Martin. Teddy. Ah bah, la peinture, c'est ma dada. Oh, c'est beau. Alors, bravo. Au vu de cette réponse de Martin, je vais plutôt suivre Audrey. La Roque-sur-Cèze. Oui. Mais t'aurais dû suivre Martin. J'ai hésité en vrai. C'est Martin qui disait Auvers-sur-Oise. C'est la bonne réponse. Oh, merde. Par contre, j'ai une petite anecdote sur la Roque-sur-Cèze. En fait, la Roque-sur-Cèze, donc en principe, les noms comme ça, c'est que tu as la Roque et puis la Cèze. Le chiffre 16. Une rivière. Et à l'époque, effectivement, ça s'appelait simplement la Roque, jusqu'au passage du roi, qui s'est plaint que le pont qui enjambe la rivière était très étroit. Et donc, du coup, il y a un de ses courtisans qui lui a répondu « Très étroit font 16 !» La bonne blague, quel connard. Et lui, il s'est fait guillotiner direct. Il s'est fait guillotiner direct. Et c'était le précurseur des blagues pragmatiques, en fait. Ah, exactement. qui avait bon dans cette question? Il n'y avait que Martin. Oui. C'est ça. Et c'était que Martin. Ah, c'était que Martin. Comme Bon, alors, j'irai pas jusque là parce que c'est pas terminé, mais c'est vrai que Martin a gagné le quiz de vendredi. Ouais. C'est ça, hein? Non, presque gagné. Il était deuxième. C'était notre invité Julien qui a gagné, mais Martin était bah pas oui, loin. Mais on va prendre professionnel. Exactement. Professionnel. On va voir si t'es professionnel des régions. Dans le Roussillon, Collioure, avec l'église Notre-Dame des Anges et son clocher phare médiéval qui vaut le détour. Avoir aussi le château des rois de Marjoc. Mais quelle est la spécialité de la ville? Est-ce que c'est les piments? Est-ce que c'est les anchois? Ou est-ce que c'est le safran? C'est quoi déjà la ville? C'est le Collioure, la ville de Collioure. Donc je vais demander à Martin qui s'y connaît en bouffe et en région, les piments, les anchois ou le safran? Et je suis allée quand j'étais petite. Moi aussi. Et moi aussi. Ah bon, on est tous allés, ça se trouve on s'est croisés et on s'est reconnus vu qu'on croyait. On s'est mangé à Collioure, c'est ça la question. Martin, tu dirais quoi? Martin, Je dirais le safran. Le safran. Oui. D'accord. D'ailleurs, le féminin de le safran, ça en fait une Renault. Non, pas la safrane. Pas la safrane. On arrête tout de suite. Rien à voir avec la safrane. Bon, Laura. Alors safran. Il y avait quoi d'autre? Les anchois ou les piments? Piments. Les piments. Donc réponse A pour Laura. Que dit Audrey? Le safran. Ok, le safran en chantant. Et que dit Théo, c'est moi. Que dit Teddy? C'est évident que c'est le safran. Ah, pour toi, ça serait évidemment le safran. Et pour quelle raison? Je les vois mal produire des anchois déjà, parce que c'est pas au bord. Non. Bah ouais, c'est ça, c'est la région. Eh ben non, mon raisonnement se tient. Des Angulus ancrasilucus. Exactement. Qui se présentent sous trois formes, les anchois au sel, les filets d'anchois en saumure et les filets d'anchois à l'huile. Il y a une production qui représente quand même 400 tonnes par an là-bas. Donc c'était les anchois? Ah oui, c'était les anchois, tout à fait. Ah merde. Mais t'as le safran aussi à Collioure, non? Mais non, c'est la spécialité. Et c'est de où Collioure, alors? C'est les anchois. Voilà. Non, mais alors, c'est quel village d'à côté? Alors, attends, je vais marquer spécialité safran, Midi-Pyrénées. Allez, boum, on va contester pour un point. Moi, je suis d'accord avec Audrey. Non. Arrête, Teddy. Question suivante. Des maisons à colombages, couronnées de toits pentus qui semblent émerger des vignobles. Vous êtes en Alsace, évidemment. Quel intrus ne s'y trouve pas? On parlait des noms bizarres des Alsaciens tout à l'heure. Enfin, pas des Alsaciens, mais des villes alsaciennes. Est-ce que la ville qui n'existe pas en Alsace est Riquewihr, Coulon ou Mittelbargen? J'ai pas entendu le deuxième parce que j'ai entendu que le rire d'Audrey. Alors, pardon. Réponse A, Riquewihr. Réponse B, Coulon. Réponse C, Mittelbargen. Teddy. Alors, je veux bien que tu m'épelles le dernier. M-U-D-T-E-L-B-E-R-G-H-E-I-M. Ouais, bon bah ça sonne bien alsacien. Pour le coup. C'est pas faux. Après, est-ce que ça n'est pas un nom inventé? Non. On n'invente pas la langue allemande. D'accord. C'est quoi d'autre? Les deux autres? Ricon et... Non, j'ai oublié. Riquewihr et Coulon. Riquewihr et Coulon. Coulon. Vas-y, Coulon, il paraît trop suspect. Que c'est pas un piège aussi. Donc Coulon pour toi. Ouais. Ok. Laura. Riquewihr. Riquewihr. Martin. La réponse C. Schlangenlachschlangen. Audrey. Coulon, c'est pas un truc dans le Loire, ça? Pas une ville dans le Loire. Moi je dis Coulon alors. Effectivement. Ouais, parce que j'y suis passé pour un reportage. Coulon. qui n'est pas du tout en Alsace. Exactement. Bon, par contre, inutile de mettre une bouée pour monter dans les barques de Coulon, parce que malgré le nom, c'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Par contre, une rivière. Voilà. C'était Coulon, mais ça s'appelle Coulon-sur-G, non ? Non, Coulon tout court. Non, Coulon tout court, c'est en allant vers Rambouillet. Ouais. D'accord, ok. L'endroit était cher à Michel Serrault. Le port est plein de charme et l'église Sainte-Catherine avec ses nefs en forme de coque de bateau renversé et son clocher en bois sont à découvrir. Et en plus, il y a plein de couleurs. Mais qui suis-je ? Est-ce que je suis la ville de Honfleur, la ville de Granville ou la ville de Barbefleur ? Je vais demander à Teddy. Ouais. Bon bah c'est un des deux fleurs, mais c'est... Il y a Grandfleur et quoi d'autre ? Non, il y a Honfleur et Barbefleur. Ah, raté. Je t'en invente un, moi, t'inquiète, je suis comme ça. Ronfleur et... Ah putain, j'ai oublié, merde. Non, Honfleur et Barbefleur. On dirait des noms de Pokémon. Mais tellement. Bah, Ronfleur attaque Baillement, je sais pas. N'importe. Mais y'a pas Ronfleur. Ronfleur avec un H. Je m'en fous. Ronfleur. Ça ressemble. Oh là là là là. Bon alors, tu dis quoi? Barbefleur. Ok, Barbefleur. Audrey. Honfleur. Laura. C'est pas là. D'ailleurs, c'est pas là qu'il est enterré. Audrey. Laura. Honfleur. Ok. Martin. Martin s'en fout. Martin n'est plus là. Il n'est plus là. Pour toi, ça c'est Honfleur. Si. Ben oui, il a dit Honfleur. Ah. Et ben, on a pas entendu, pardon Martin. Et ben oui, effectivement, oui, c'était Honfleur, évidemment, qui est dans le calvados. Il est enterré là-bas. Michel Serrault, oui, tout à fait. Ouais, voilà, c'était ça. Exactement. Nous sommes déjà à l'avant-dernière question. Et là, je vais vous parler d'un petit village breton qui est surnommé la Cité des Peintres parce qu'il a charmé et attiré beaucoup d'artistes. Ah, je sais. Connu. Je suis allé. D'accord. Le plus connu, mais c'est bien de le dire. Le plus connu est sans nul doute Paul Gauguin. Mais qui suis-je ? Est-ce que je suis Pont-Aven ? Est-ce que je suis Locronan ? Ou est-ce que je suis Guilvenec ? Je vais poser la question à Martin. Ah, Pont-Aven ? Pont-Aven, on m'entend ou quoi ? Il y a un peu de délai. Ah, et moi, je l'entends. Oui, j'entends toujours, j'ai l'impression qu'il y a du délai. Pont-Aven, donc. Donc toi, ça serait Pont-Aven. Je vais poser la question à Audrey. Ouais, tout pareil. D'accord. Teddy ? Ouais, tout pareil. Est-ce que Laura va confirmer ou infirmer cette réponse ? Je confirme, Pont-Aven est un très joli village aussi. Exactement. Et puis pour les gourmands qui s'en foutent de la peinture ou de la beauté du village, il y a aussi des galettes. Ah, ça, c'est vrai. Oui. Galettes de Pont-Aven qui valent le coup. Miam, miam. En parlant de gastronomie, d'histoire et de rivière, je vous conseille une balade à Dom, Beynac, La Rogue, Gajac et Sarla. Mais dans quelle région, enfin dans quel département c'est ? Est-ce que c'est en Vendée ? Est-ce que c'est en Dordogne ou c'est dans les Midi-Pyrénées ? Non, dans les Pyrénées Atlantiques, pardon. Rien à voir. Enfin, si, mais Vendée, Dordogne ou Pyrénées Atlantiques. Dom, Beynac, La Rogue, Gajac et Sarla. Tu veux quoi, Martin ? Je voulais que tu répètes ça, tu l'as fait sans... Très bien. Avec brio, ok. Alors, je vais poser la question à Laura. Vendée, Dordogne ou Pyrénées Atlantiques ? Vendée, quoi ? Dordogne. Dordogne ou Pyrénées Atlantiques ? Je dirais Dordogne. D'accord. Martin ? Pyrénées Atlantiques ? On t'a dit ? Ouais, c'est où la Dordogne ? C'est en France. Ok. C'est en France. Oh, ouais. Non, mais je sais pas, j'ai envie de faire confiance à Laura. Dordogne. Dordogne, ok. Audrey ? Ah, je sais pas. Sarlat, mais Sarlat, c'est en. Si, Sarlat, c'est en Dordogne. Je sais pas. On en a parlé tout à l'heure de Sarlat, bah, oui. Avec le pensionnat, mais pas. Si, je vous avais. Mais si, je vous ai dit dans quel département c'était. Je vous l'ai dit. Je sais pas. Mais c'est quoi du coup la réponse, Audrey ? C'est par département que tu nous cites, c'est des régions. Oui, des régions, ouais. Et du coup, c'est quoi ta réponse, Audrey ? Je dirais la Dordogne. Okay. Non, c'est le Périgord, mais... Oui, c'est le Périgord. Noir, vert, noir. Donc c'est en Dordogne, effectivement. Bien joué. C'était la dernière question. Merci. Waouh. Incroyable. Bien joué. Merci, bien joué. Au revoir. Vous êtes le maillon faible, au revoir. Au revoir. Non, mais, j'attends les résultats pour dire bien joué ou mal joué. Résultat qui va nous donner Teddy dans un instant, puisqu'il est en train de compter les points. Ouais, ouais, non, mais. Cher candidat, c'est déjà compté. Je crois que les points sont comptés, nous allons pouvoir délibérer. Que dis-tu, Teddy? Bah, que c'était déjà compté depuis le début. Non, mais... Ah, bah, pardon, autant pour moi, moi j'attends toujours la fin avant de compter les points, mais. Non, je fais au fur et à mesure, et moi, c'est bien joué. Non, mais je les regarde et c'est déjà compté. Ah, d'accord. C'est ça le talent, alors... tu vois. C'est comme ça que je triche au poker. Non, pardon. Bref. Comment dire? C'est plutôt joli cette semaine parce qu'il y a une presque égalité avec juste quelqu'un qui est en tête. On est tous à égalité, sauf Audrey. Martin, moi et Laura, on est à 4 points. Et Audrey, elle a 5 points. Ah, je pensais que c'était Martin qui avait gagné cette fois. Ah bah non. Chez, c'est toi. Non, Martin s'est vanté, mais Martin n'a pas. C'est différent. Mais non, mais bien joué. Après 4-5 points, bon, ça va, vous avez la moyenne. Tant donc, qu'il faut suivre des gens. Donc, bien joué. Voilà, je peux le dire maintenant, c'est bien joué. Combien avez-vous de points à la maison? Eh bien, vous pouvez nous le dire via les réseaux sociaux. Et c'est via aussi les réseaux sociaux et même les plateformes de téléchargement de podcasts que vous allez pouvoir retrouver cette émission dans son intégralité quand vous le voulez. Peut-être demain matin au réveil, vous avez envie de vous refaire cette petite esprit d'aventure, ce petit brin d'aventure. N'hésitez pas à partager avec vos copains et vos amis. On se retrouve vendredi avec une émission spéciale Harry Potter. Voilà, là, on va voyager dans un monde fantastique avec le monde d'Harry Potter. Oui. Et d'ici là, il y a de la bonne musique à écouter et à découvrir avec des originales, des reprises, des bootlegs. Et on commence tout de suite, sans plus attendre, avec Boss Avenue, avec Find Me sur Indestar. On t'a trouvé, Boss Avenue, t'es là. Et nous, on se dit bonne nuit à tous. Bonne nuit tout le monde, des bisous. À vendredi pour un spécial Harry Potter et les animaux fantastiques avec Cindy et Teddy et beaucoup d'autres. Ah bah non, rime en i en fait. Ouais, beaucoup de rime en i. Tous ceux qui finissent en i peuvent être là. Voilà. D'accord. Et nous, on aura le droit d'être là aussi. Ça dépend. Ah, écoute. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.